The United States is honored to play host to this magnificent celebration. The World Cup has captured the imagination of our country, as has the game itself in the last few years. The love of soccer is now a universal language that binds us all together. So I welcome all who have come from all countries and all continents. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the heart of the brave? Bonjour à tous, on se retrouve donc pour cette deuxième partie sur la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Une Coupe du Monde donc qui s'est déroulée du 17 juin au 17 juillet. La première Coupe du Monde de l'histoire dans le pays. Et donc on va parler de cette deuxième partie du podcast avec Nico. Salut Nico. Salut. Et donc on va commencer par les festivités qui ont eu lieu. Pour ce match d'ouverture à Chicago entre l'Allemagne et la Bolivie, on a eu le droit à une cérémonie dans la tradition un peu de la FIFA avec un défilé de tous les pays, avec également des chanteurs pop de l'époque américain, de la country. Ouais. Toi Nico, pour avoir revu les images en archive, t'en avais pensé quoi ? Bah, figure-toi que j'ai des souvenirs de cette cérémonie d'ouverture. Alors plus au niveau de tous les pays qui sont présents. Donc chaque pays avait des danseurs en fait, et chaque pays représentait sa danse en fait, si tu veux. C'était ça qui m'avait un petit peu marqué quand j'étais petit. Et puis il y avait des couleurs partout. Ça faisait jour, ça devait faire super chaud aussi. Il y avait énormément de monde. Quand j'étais j'avais 9 ans, donc j'avais trouvé ça beau, mais même en ayant revu presque en intégralité la cérémonie, j'ai trouvé pas si mal que ça par rapport à ce qu'on a pu voir récemment, notamment avec l'Euro et trucs comme ça. Les Américains savent faire le show, et là ils l'avaient fait correctement. Ah, c'est vrai que ils avaient invité, nous on n'était pas forcément connaisseurs non plus en Europe, mais ils avaient invité des groupes top en fait de l'époque en 94, des grands groupes de la country américaine. Ouais. Et il y avait également Diana Ross. Ah oui. La fameuse Diana Ross dont on va parler avec. Ah, oui. Avec son petit medley qu'elle nous a chanté, et elle devait faire une légère chorégraphie en fait sur une séance de tir au but avec un gardien de but qui devait plonger du mauvais côté exprès pour lui la laisser marquer. Ouais, sauf que malheureusement elle tire du ballon du pointu déjà, et elle tire complètement à côté quoi. Voilà, elle tire du côté gauche et elle rate le but, et malgré tout bon, il continue la séquence avec le but qui se coupe en deux. Diana Ross, elle devait traverser tout le terrain, aller sur l'estrade, ensuite chanter. Et donc c'était un petit raté, on va dire, pour en général des Américains qui sont très très pointilleux et très précis sur ce qu'ils font en fait. Ouais. J'ai l'impression que c'était pas forcément répété. Ce qui prouve bien qu'il faut jamais courir pour tirer un penalty. Elle l'a bien démontré quoi. Ouais, voilà, c'est Guiraud qui disait ça, je crois. Exactement. Et c'est pour revenir à cette cérémonie d'ouverture. Donc on est à Chicago, à Soldier Field, au stade de la NFL des Chicago Bears. Et plein soleil, je crois qu'il fait pas loin de 35 degrés. Ouais, à peu près, ouais. C'est une ville qui a la chance d'être près du lac. Donc en fait, il y a un petit vent en fait. Et l'avantage pour les joueurs, c'est qu'il fait pas extrêmement chaud comme au Texas en fait, en plein soleil. Je pense que ça aurait été une catastrophe de faire un match d'ouverture en plein désert. Oh non, mais c'est sûr, ça aurait été suicidaire là. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc c'est l'Allemagne tenante du titre qui 4 ans plus tôt, en fait, à Rome, avait décroché sa médaille face à dans un match pitoyable, on va dire, face à l'Argentine, hein, pitoyable dans tous les sens du terme, avec un penalty accordé généreusement, très généreusement, des joueurs expulsés sans forcément de raison valable, on va dire. Ouais. Moi, pour avoir revu justement cette finale de 90, c'était une des finales les plus ennuyeuses. Hein, Pour moi, de toutes les finales que j'ai vues de mes propres yeux et puis que j'ai revues après dans différents documentaires, oui, pour moi, c'est une des plus tristes, enfin triste finale, pas triste au niveau. Je veux pas parler de triste au niveau émotionnel, mais en niveau ennui, ouais, voilà, c'est la plus. La plus nulle, quoi. Mais surtout comment ça se termine. On sentait que la FIFA à cette époque-là, ils voulaient déjà donner la médaille, on va dire, à l'Allemagne qui politiquement se réunifiait. Voilà. Et c'était tout un symbole, quoi. La FIFA a voulu profiter justement du côté politique pour faire encore plus d'argent. C'était gros comme souvent. Comme souvent, malheureusement. Mais de toute façon, ça clôturait en une Coupe du Monde en elle-même pauvre en but déjà. Et une Coupe du Monde qui était triste aussi, hein, qui était pas forcément, ça n'a pas été la plus belle Coupe du Monde 90. Heureusement que le Cameroun a su un petit peu faire remonter un petit peu le niveau de joie, parce que sinon, voilà, parce que sinon ça aurait vraiment été une Coupe du Monde très très banale et avec un arrière-goût de amer, quoi, enfin d'inachevé, quoi. D'inachevé, ouais. Bah, après, même si à cette époque-là, l'Allemagne, on va dire qu'ils étaient dans les équipes les plus fortes, hein, c'est bien sûr. Mais c'est surtout la finale qui reste en travers de la gorge un peu tout le monde, quoi. Voilà. Et donc, on retrouve Diego Maradona également dans cette Coupe du Monde, dont on parlera plus tard. Ouais. Qui, 4 ans après, je pense que lui, il a vraiment envie de prendre sa revanche parce qu'il sait que c'est sa dernière aussi. Et par contre, l'Allemagne, eux, ils arrivent avec pratiquement tous les joueurs de 90. Alors on va un peu énumérer tous les joueurs qu'il y avait pour présenter ce match d'ouverture. Il y avait Bodo Egner au but, Andreas Brehme, Jürgen Kohler, Thomas Berthold, Lothar Matthäus, Andreas Möller, joueur de Dortmund, ouais. Thomas Hassler. Je sais pas s'il jouait tu sais, le petit club qui avait affronté Bordeaux un peu plus tard. Là il joue à Cologne. Non, alors il joue à Cologne. Après, là, à l'époque où il a joué la Coupe du Monde 94, il était en partance de la Roma. D'accord. Voilà, il était à la Roma, voilà, en Italie. Et pour aller jouer justement dans le club qui a affronté Bordeaux. Comme beaucoup d'Italiens à l'époque qui préféraient aller en Italie, qui était un petit peu le championnat préféré des étrangers, en fait. Ouais, bien sûr. Bah, les Allemands étaient très friands de ce championnat d'Italie. Il y avait pas mal d'Allemands. Quand tu regardes, hein, t'as la moitié, presque la moitié, enfin presque la moitié, t'as une bonne partie des Allemands là qui étaient alignés contre la Bolivie, qu'on jouait en Italie. Hein. Ouais, voilà. Et justement, la première partie du podcast, tu sais, on cherchait les matchs, les finales qu'avait joué Jürgen Klinsmann. Oui. Et en fait, il a joué finale de Coupe UEFA, en fait, avec son club de l'Inter de Milan, je crois. Oui. Klinsmann, voilà, il arrive dans cette Coupe du Monde avec pas mal d'expérience, quoi. Donc, pour continuer dans l'effectif de l'équipe d'Allemagne, il y avait également Matthias Sammer, Stefan Effenberg, Karl Heinz Riedle et Jürgen Klinsmann. Donc, puis sur le banc de touche, il y avait aussi Mario Basler, futur grand joueur du Bayern, et petit voleur Andreas Köpke également, qui était déjà là. Ouais. Donc c'est une bien belle équipe, hein, comme on avait dit dans le passé, hein, qui a réussi l'Euro 92 à arriver en finale face au Danemark. Toi, tu les voyais comment? Tu les voyais comment dans cette Coupe du Monde 94 quand ils sont engagés, en fait? De toute façon, tu sais qu'ils sont favoris, quoi qu'il en arrive, ils sont favoris parce que voilà, ça fait au moins 4 ans, enfin même plus, parce que quand tu regardes, même 86, ils sont finalistes de la Coupe du Monde. Ouais. Bon, enfin, c'est la RFA, mais bon, t'as quand même une bonne ossature de l'Allemagne en elle-même qui est là. 86, 90, 92 finalistes de la coupe, de l'Euro. Bon, bah c'est quand même une équipe qui fait toujours peur, l'Allemagne, de toute façon. Donc ouais, c'est une équipe qui est favorite pour cette Coupe du Monde. quoi qu'il arrive, tu sais qu'ils vont forcément aller assez loin dans cette Coupe du Monde, quoi. Ouais. Bah, c'est un peu une tradition allemande, hein, d'arriver dans les demi. Hein. C'est... Voilà. La rigueur contre les petites équipes et puis on va dire la hargne dans les dernières minutes pour jouer les gros matchs à chaque fois. C'est sûr. Et puis donc, même je disais depuis 86, mais depuis 82 même, hein, si on veut aller là. Hein. Tu peux aller très loin hein, de toute façon. Loin, même si c'est que la RFA, mais bon, ça fait partie de l'Allemagne quand même, quoi. Je sais pas si la révolution de l'équipe d'Allemagne, elle est arrivée, on va dire, après 74, quand la génération de Beckenbauer a un peu disparu en fait, je sais pas. Toi qui connais bien le football. Bah, je sais qu'en 78 ils sont plantés. En 78, ils sont plantés en 84 pour l'Euro en France. Mais après, bah, ils n'ont pas réussi à se qualifier directement pour les demi-finales. Mais bon, après voilà, c'est des petits accidents qu'il y a pu y avoir. Et à partir de 86, on voit quand même une Allemagne qui commence à renaître. 88 ils finissent demi-finalistes hein, si je dis pas de bêtises, et après bon bah c'est là que tu vois l'Allemagne, et ça se suivra par la suite hein. Pour moi 98 c'est la fin, ouais. C'est la fin de l'Allemagne. 98-2000 c'est la fin de l'Allemagne qui fait peur. Après il y a une nouvelle génération qui va recommencer par la suite, et on redécouvrira une nouvelle Allemagne, je pense, moi, plus en 2006. Mais là, cette époque-là, 94, c'est une Allemagne qui fait peur et qui peut aller loin, quoi. Ouais. Ah, c'est sûr que... comment dire, C'est pas autant comparable que la France de 2002 et l'Espagne de 2014. Non. Complètement rétamée, parce que... Au début, j'avais un peu comparé ça à ça en réfléchissant, mais finalement, l'Allemagne de 94, c'est un peu plus fort que... Ah, c'est un peu plus fort, parce qu'ils vont quand même beaucoup plus loin que la France et l'Allemagne, hein. Ils vont quand même se qualifier pour la suite. Ouais, que l'Espagne, ouais, France et l'Espagne. Ouais, France et l'Espagne, ouais, voilà. Non, c'est une équipe qui fait peur pour moi, hein. L'Allemagne, quand tu regardes un petit peu l'effectif, voilà, quoi, c'est pas des peintres sur le terrain, quoi. Non, c'est ça. Attends. Et puis en face, on a donc l'équipe de Bolivie, c'est une équipe qui est parmi les favorites d'Amérique du Sud, entre guillemets, parce que... À l'époque, ouais. Bon, on parlera du fait aussi que la Bolivie, ils ont la chance, entre guillemets, de jouer leur match à La Paz, qui se trouve à combien de mètres? Ouais, mais très, très haut, très haut. Donc c'est vrai que pour les... voilà, oui, plus de 3000 mètres, c'est pour ça, à chaque fois, les adversaires, bon, ben, ils jouent avec un handicap en plus, quoi. Et la Bolivie, je pense qu'elle est un peu surcotée, justement à cause des matchs qu'elle a réalisés chez elle. Et finalement, de jouer dans la vallée, là, entre guillemets, avec toutes les équipes normales, de façon normale, sans avoir l'avantage de la montagne, on sait pas en fait ce qu'ils vont faire exactement la Bolivie. Et puis selon les spécialistes, ils ont un grand joueur, c'est Echeverry. Alors Echeverry, ouais. On va le voir jouer 3 minutes dans ce match-là d'ouverture, de la 79e à la 82e, où il rentre et il se prend un carton rouge. C'est ça. Et pour un tacle, je crois qu'il se met un gros tacle par derrière en allemand, je crois, à un moment donné. Et pour revenir sur cette Coupe du Monde, il y aura donc 52 matchs en fait sur un mois. Il y aura environ 2 à 3 matchs par jour sur les phases de poule. Oui, parce que c'est une nouvelle formule en plus là. Hein. Ah, 24 équipes, c'est tout nouveau. Et d'ailleurs, ils arrêteront. Enfin, ce sera la seule année où il y aura que 24 équipes en une Coupe du Monde, parce que 98, ça passera à 32 directement en fait. Voilà. Parce que c'est vrai que là c'est un peu l'usine à gaz, hein, comme dirait trop souvent, c'est un peu l'usine à gaz le système de qualification, parce que donc les deux premiers sont qualifiés, puis après c'est le meilleur troisième. Donc après il va falloir faire des calculs mathématiques pour savoir qui est le meilleur troisième. Donc voilà, donc il y a quand même des enjeux pour être troisième, mais bon c'est un système qui est pas formidable non plus, quoi. Non, c'est pas formidable, parce que bon, on commence en fait à voir des équipes moyennes rajoutées en fait à justement des équipes assez fortes dans les groupes, deux grosses équipes et deux équipes moyennes. Et bon, ça dans le futur c'est ça qui posera problème en fait, parce que on est arrivé justement à l'Euro 2016 avec des excès dans ce système. Et malheureusement... Enfin, j'ai raconté des bêtises parce que je dis que c'est la première fois qu'il y a 24 clubs. Non, il y en avait eu en 82. Mais là, par contre, ils avaient fait un second tour, mais complètement pourri. Au lieu de prendre les meilleurs troisièmes, ils ont essayé de faire... Enfin, ils ont pris les meilleurs troisièmes, mais après, au lieu de faire des huitièmes, quarts, demi, ils avaient fait un second tour... Mais qui était complètement, je sais pas comment ils ont fait leur calcul, mais tu te retrouvais avec plusieurs matchs à jouer. Et dans ce lot-là, il y a le Brésil, qui était pourtant favori de cette Coupe du Monde, qui a baissé les bras parce qu'il y avait trop de matchs à jouer et puis ils avaient plus envie, quoi. Ouais. Il y avait pas système d'élimination directe. Donc voilà, tu pouvais calculer tes matchs, te dire bah tiens, je peux me permettre de perdre là, de gagner là, et bon, c'était pas intéressant du tout. Là, ils ont retenu la leçon, ils sont directement passés à des huitièmes de finale, quoi. Ouais, voilà. Et pour ce match d'ouverture, dans la tradition, on a donc le président João Avalanche de l'époque, le brésilien, ouais, dans les tribunes avec Monsieur Bill Clinton, le président des États-Unis. Et donc on a droit à un petit discours sur le respect d'autrui. La lutte contre le racisme qui commence déjà. Ouais. On sait qu'aux États-Unis en 92, il y a eu des grosses émeutes dans les ghettos à Los Angeles. Enfin bon, ils essayent un peu de masquer un peu tous les problèmes raciaux à travers le football. Ouais. Faire une grande fête pour tout le monde. Et c'est un peu les premiers signes en fait du côté politique de la FIFA qui va prendre de plus en plus d'ampleur à travers toutes les coupes du monde dans le futur, quoi. Ça va être amplifié, quoi. Et donc voilà, c'est un match qui se déroule le 17 juin à 14h. Et on a le droit en fait à une prise d'antenne au niveau de télévisuel très très NFL en fait, avec tout le show organisé autour du match. On voit l'entrée des joueurs. C'est magnifique visuellement, quoi. En 90, ouais, on n'avait pas eu la chance de voir ça. À San Siro, il y avait seulement eu un défilé de mannequins en fait, de je sais plus quel couturier italien, c'était un grand couturier, je pense que c'était Armani ou Gucci, je sais plus, enfin, ouais, peu importe. Mais bon, c'est vrai qu'on est très loin en fait du spectacle assez pauvre des matchs d'ouverture des précédentes Coupes du Monde, on va dire. Il y a un gros pas en avant avec des stars de la chanson, c'est intéressant. Donc on va passer à ce match-là, Allemagne-Bolivie. Donc c'était un match assez sérieux, hein, on va dire, dans l'approche du match. L'Allemagne, ils partent un peu dans l'inconnu parce qu'ils jouent contre une équipe de Bolivie qui ne s'est pas forcément montrée, sur le plan international. Ils ont rien montré, je veux dire. Ouais. Bah, c'est sa troisième participation, mais en même temps, ses participations, c'était dans les années 30 et 50, je crois. Puis après, t'as pu... tu connais pas cette équipe de Bolivie, en fait. Surtout à l'époque, t'avais pas Internet. T'avais pas tous ces systèmes du football maintenant qui te permet de visionner un adversaire plus facilement. À l'époque, fallait envoyer des émissaires à droite à gauche pour pouvoir visionner, qu'ils fassent un rapport sur les joueurs, sur leur façon de jouer. Là, c'est une grosse découverte. Donc en plus, ça peut être le match piège pour l'Allemagne. Ça peut être une fessée, ça peut être une petite défaite contre une équipe bolivienne qui a envie de s'arracher les tripes pour bien se montrer. Ouais. Pour moi, c'est le match piège pour l'Allemagne, quoi. Ouais, exactement. Et puis on sait qu'en 90, il y avait le match d'ouverture Cameroun-Argentine. Justement, voilà. Et pour avoir revu récemment un documentaire de l'époque. Les Camerounais n'étaient pas du tout confiants en fait, ils ont abordé ce match les fesses serrées, quoi, parce qu'ils avaient très très peur de l'Argentine, et puis ils avaient créé une équipe, le Cameroun à l'époque était très très très nouvelle, très récente, avec des jeunes joueurs, et j'avais vu dans le documentaire en fait sur le Cameroun de 90 que les hommes politiques avaient demandé pourquoi vous avez choisi tel joueur, c'est ça. Et eux-mêmes ne voulaient même pas se déplacer pour voir le match d'ouverture en Italie, donc c'est pour dire, quoi. Et finalement voilà, le Cameroun avait gagné, mais ce qui veut dire que quand le gouvernement ne met pas son nez dans un effectif, tout peut se passer correctement. C'est ce qui s'est passé pour l'équipe de Cameroun de 90. Ouais. Ils sont allés très loin, parce que dès que le gouvernement met son nez en disant bah non, faut tel joueur ou tel joueur, forcément, ça va pas forcément marcher, quoi. Ouais, ouais. C'est certain, ouais. Et donc, bon, l'Allemagne-Bolivie, c'est un match qui se déroule en plein soleil. Et les Allemands, on voit qu'ils ont du mal à rentrer dans le match. Ils peinent, hein. Ils peinent physiquement. Bon, je sais pas si la moyenne d'âge, elle était pas loin de 30 ans déjà à cette époque-là. Ah, bah, je pense, ouais. Et, ça va pas être loin, hein. Ça va pas être loin, ouais, les 30 ans. Hein. Ça doit pas être très très loin. Et donc, voilà, Bolivie qui est pas trop ridicule, mais ils ont pas d'occasion de but. En fait, ils font que défendre. Et finalement, ça donne un match assez soporifique. Ouais. Et puis, il y a donc le but qui arrive avec Jürgen Klinsmann. Un but chanceux, en plus. Ouais, c'est un but chanceux. Bah, et malheureusement, on va dire qu'ils entament une nouvelle Coupe du Monde, les Allemands, comme ils ont fini la dernière, avec un but. Ouais, voilà. un but donné. Un but donné, pratiquement, voilà. Qui part tout seul au but, sur une erreur de la défense bolivienne. Et à la 61e, c'est Klinsmann qui ouvre le score un peu... dans un but vide. Voilà, alors que le match commençait un tout petit peu à tourner, entre guillemets. Et puis Echeverri qui donc fait son entrée dans le match et qui se fait sortir après une faute idiote. Et bon, donc la star, en fait, qui n'arrivera pas à sauver son équipe de Bolivie. Étonnamment, il n'avait pas débuté le match. Alors pour quelle raison, je sais pas du tout. Sûrement un projet tactique de l'entraîneur. Sûrement, ouais. Donc voilà, ce match d'ouverture qui se solde par, on va dire, une petite victoire et qui restera pas du tout dans les mémoires, hein, pour plein de gens, même la presse américaine qui reste dubitative à la vue de ce match en se disant « Mais c'est ça votre football, c'est ça que vous nous avez apporté ?» Et je sais pas si toi t'as eu le souvenir, en fait, de certains épisodes des Simpsons qui sont arrivés plus tard. Et il y a Homer Simpson qui regarde la Coupe du Monde qui se déroule aux États-Unis. Il y a le match Allemagne-Bolivie. Et sur le terrain, à l'écran, il y a des gens qui se font des passes. Mais il y a, oui, y a voilà, aucune occasion. Et t'as, ils se font des passes, t'as aucune occasion. Et puis t'as le speaker, enfin le commentateur espagnol qui est comme un fou, comme s'il y avait un but et trucs, ouais, comme ouais, ça, quoi. Ouais, ouais, je m'en souviens de ça. Et puis voilà, quoi. Donc déjà le football est un peu moqué dans le pays, et donc là le pari d'apporter le football professionnel dans une ligue masculine dans une future MSL, déjà c'est mal embarqué, on va dire. Oui, c'est sûr. Et heureusement les matchs suivants donneront tort, en fait, au pseudo spécialiste américain qui avait un peu dénigré ce sport déjà par le passé, quoi. C'est sûr. Mais bon. Et on se met à la place des Américains, on importe le championnat professionnel de football américain en France, ce, ouais, sera exactement pareil. Si tu ouais, auras exactement les mêmes détracteurs, malheureusement. Tu vois, on n'essaye pas de... Bon, bah, c'est sûr que le premier match a pas été bon, mais on joue dans des conditions climatiques. Déjà, les Allemands, ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer sous un cagnard à plus de 35 degrés, surtout que 35 degrés aux États-Unis, c'est peut-être pas forcément le même 35 degrés que chez nous, par exemple, hein. Donc tu vois, ouais. Et puis bah, c'est le premier match, il y a peut-être le décalage horaire. Bon, le décalage horaire, ils doivent y être habitués depuis un moment, mais bon, il y a toujours voilà, les joueurs sont peut-être fatigués. De toute façon, il n'y a jamais eu, enfin, est-ce que tu te rappelles d'un superbe match d'ouverture dans une Coupe du Monde? Alors moi récemment, j'avais apprécié le Afrique du Sud mixte. Ouais, le deux partout là qu'il y avait eu. En 2010. Un partout, deux partout, je m'en souviens. Ouais, voilà, c'était un match nul. Et j'avais apprécié pour le fait que justement l'Afrique du Sud et le Mexique avaient tout donné. C'était des équipes très moyennes, mais elles avaient tout donné, ouais, sur ce match d'ouverture. Mmh. Mais sinon dans l'histoire, Tu te rappelles le match d'ouverture Coupe du Monde 98, Brésil-Écosse, ça se solde par un 2-1, mais c'est que des coups de pierre sur les coups de pied arrêtés. Ouais. France-Sénégal 1-0 pour le Sénégal, ça pourrait être un match sensationnel. Enfin, voilà, quoi, ça a toujours été des... Il n'y a jamais eu, il y a peut-être eu dans l'histoire passée, mais des scores fleuves lors des premiers matchs de Coupe du Monde. Il y a toujours eu une retenue de certains joueurs, ça n'a jamais été des grands, grands matchs, quoi. Non. Et puis, de toute manière, c'est souvent un match nul ou le favori qui perd. Donc, ouais, c'est possible. Malheureusement, on a rarement vu des grands matchs d'ouverture. Il y a le stress, il y a le spectacle, il y a plein de choses qui entrent en compte, et puis ça donne souvent des gros flops. Voilà. Alors nous en France, on a eu la chance, en fait, d'avoir quelques commentateurs différents en fait pour les chaînes de télé. On avait France 2, France 3, ouais, et TF1 bien sûr. Canal+ n'avait pas du tout encore les, comment dire, les droits pour diffuser les matchs, je crois. C'était que 98. Hein. Bah 98, la plupart des chaînes françaises avaient eu leur... Il y avait le même match trois fois, je crois, sur les chaînes. Ouais, hein. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. T'avais le choix de choisir ton commentateur. Voilà, voilà. Donc nous, on avait des duos. Il y avait Didier Roustan, Cantona. Il y avait même Domenech qui commentait certains matchs. Il y avait Giroud également. Ouais. Puis Thierry Roland et... Jean-Michel Larquet, je me demande si t'avais pas aussi... Pierre. Bah pas forcément, comment il s'appelle, Hardy là, Ouais. Ah, je m'en rappelle plus de son prénom là, mais enfin, ouais, il faisait partie de Téléfoot, de l'équipe de TF1 quoi, voilà. Ouais, et ouais, ouais, là t'avais plusieurs paires de commentateurs de toute façon, hein. Ouais, ouais, ouais. Je me demande s'il n'y avait pas Roger Zabel aussi qui était... Bah, Roger Zabel, il présentait le voilà. club en fait, qui se déroulait avant et après les matchs en fait. Voilà. Parce que avant le match de 21h, il y avait déjà eu un ou deux matchs qui s'étaient déroulés dans la journée. Comme on avait dit, on avait des matchs à 11h30, midi, 14h et d'autres plus tard dans la soirée. Voilà, tu comptes 14h, c'est 14h aux États-Unis, donc en France ça doit faire 20h. Ouais. Ah, t'as 8h de décalage. Ah oui, mais ça dépend. Pour le plus loin, voilà. Le plus gros fuseau horaire de Los Angeles, il y avait 8h. Ouais. Voilà, on va passer aux matchs marquants en fait, les matchs marquants des phases de poule. On va pas faire tous les matchs, on va parler des plus gros matchs qu'il y a eu parce qu'il y en a eu pas mal. Et donc on va commencer par le groupe A avec le match qui s'est déroulé le 18 juin en fait pour l'ouverture de la Dream Team, en fait la Team USA on va dire, parce que Dream Team c'est un peu beaucoup. Oui. Match USA-Suisse qui s'est déroulé au Silverdome de Pontiac. Ouais. Alors c'est un stade magnifique, hein. Si vous voulez comparer en fait au stade actuel, c'était l'équivalent du stade du LOSC en fait en Ligue 1. L'Arena d'Amsterdam un peu aussi. Un peu aussi. Enfin avec le. Moi je parle plus du toit voilà. Qui pouvait se fermer quoi. Voilà, c'est une Coupe du Monde où en fait on a le premier match dans un stade fermé en fait. Et c'est même pas un toit ouvrant, hein. C'est un stade qui est comment dire couvert grâce à un système d'aération avec des bulles en fait. Comme on sait qu'en fait Détroit c'est une ville en fait où il neige beaucoup en hiver et ils peuvent pas se permettre de faire un toit en dur pour justement éviter que le toit se déroule. Voilà, c'était déjà arrivé dans un stade, je sais plus, je crois que c'est à Saint-Louis ou Pittsburgh, il y avait eu un stade dont le toit s'était effondré avec la neige. Juste avant en fait, quelques années avant. Ouais, ça doit être à Pittsburgh, un truc comme ça. Ouais, ouais, dans un match de hockey ou un match, je sais plus. Enfin sur YouTube, vous avez des vidéos assez. donc c'est un stade de 80 000 personnes. Et donc on a l'équipe des USA qui fait son entrée. Et ça se déroule assez bien en fait, on va dire. Hein. Il y a un gros engouement du public. Ils ont la chance de jouer dans un stade climatisé. Ça, c'est un avantage hein, dans cette Coupe du Monde en plein soleil en été. On a donc la Suisse qui ouvre le score en fait sur un coup franc de Bregui, un superbe coup franc qui contourne le mur du côté droit et qui va en lucarne sur Tony Meola. Le gardien empâté, on va dire, ouais, enrobé, empâté, tout ce que vous voulez, et qui doit pas du tout être habitué à ce type de but, parce que il se dit tiens comment il m'a placé cette balle, on avait l'impression qu'il découvrait un peu le football. Voilà, que cela ne tienne, il y a Eric Vinalda qui répond en fait sur coup franc juste après pour égaliser le but du 1 partout. Un superbe coup franc de 20 mètres. Ah ouais, superbe. Un coup franc encore plus dur à mettre, hein, parce que il est beaucoup plus éloigné, il faut mettre beaucoup plus d'effet. Et puis là, on a un gardien expérimenté côté suisse. Donc, mais c'est toi pour ce match-là, tu l'avais vu en replay. Je l'avais vu. J'avais dû voir à l'époque les meilleurs moments, parce que je sais que je m'en rappelle plus quelle chaîne faisait ça, montrer les meilleurs moments le lendemain en fait. Ouais. Des matchs. Et j'avais vu ça et ouais, j'avais dit déjà j'avais vu ce maillot des États-Unis, j'ai dit putain il est super joli ce maillot, et puis l'ambiance, voilà, et puis les deux buts sur coup franc, voilà quoi, enfin c'est souvent les buts c'est sur sur des actions de jeu, sur des corners. Là, non, c'est deux coups francs dans le même match, et puis des coups francs super bien tirés, quoi. Là, c'était beau, quoi. C'était une attaque défense, hein. Ça défend voilà. Très peu, hein. Il y avait des actions dans tous les côtés, et puis c'est là qu'on voit justement Kobe Jones, là, le fameux oui. attaquant très bien revoltant avec ses rastas. Et puis Alexis Lalas qui a fait une grande Coupe du Monde. Oui. Et on a vu des bons gens sur le terrain, et c'était finalement, on s'est dit, les États-Unis, ils peuvent faire quelque chose. Hein, voilà, c'est une bonne surprise. Ils peuvent. On sait qu'ils vont pas aller en finale, mais au moins, on se dit, tiens, ils peuvent déjà aller en huitième, quoi. C'est avec un jeu fourni comme ça, avec des bonnes phases de jeu qu'ils ont fournies, on se dit, ouais, pourquoi pas. Ça peut aller, passer le premier tour, quoi. Ouais, voilà. Donc ensuite, on avait dans le même groupe Roumanie-Colombie. Alors c'était le 19 juin, c'était le lendemain. Il y a eu qu'un match en fait, le 18. Et enfin 18 pour ce groupe, je parle. Oui, voilà, oui. Et donc la Colombie, c'est une des équipes favorites de cette Coupe du Monde. Et tu veux raconter ce qui se passe dans ce match-là, en fait? Raconte, ouais. C'est donc, on va dire que la Roumanie écrase complètement la Colombie, hein, sans faire de. Il n'y a pas du tout de rivalité. La Colombie, en fait, ils se prennent 3 buts à 1 dans ce match-là. C'est assez incompréhensible parce que, comme on a dit, ils avaient gagné 5-0 dans les phases de groupe face à l'Argentine. Face à l'Argentine, à Buenos Aires. Et là, on voit des joueurs roumains, mais précis, intelligents techniquement. Tout ce qu'ils font, ils y arrivent en fait. Hein. Tout ce qu'ils essayent de faire, ça marche. De toute façon, ils bouffent la Colombie, quoi. Il n'y a pas d'autres mots en fait. Et puis surtout, on découvre un joueur formidable en fait. C'est Hadji en fait. Hadji. Ouais. C'est un meneur de jeu, un métronome capable de calmer le jeu, d'accélérer le jeu. Hadji, justement, c'est un joueur en fait qu'on comprendra pas dans le futur exactement son plan de carrière, parce que je pense qu'il est passé pas loin d'un ballon d'or à un moment donné, parce qu'il va jouer au Real et il se perd un peu alors qu'il Disons qu'il va au Real et directement après il va à Brescia. Alors Brescia, dans l'année 90, c'est une bonne équipe, mais ça a aucun rapport avec le Real. Il aurait été dans une équipe comme l'Inter ou le Milan à l'époque. Ouais. Ça aurait été autre chose. Là, il va à Brescia et ça se passe pas forcément, bien. Et après, il va à Barcelone et là, c'est un flop. Ouais, complet. Ouais. C'est dommage. Et donc, dans ce match Colombie-Roumanie, on a donc l'ouverture du score de Radochou à la 16e minute. C'est une superbe frappe croisée d'assez loin, en fait. Qui surprend un peu tout le monde, parce qu'on pensait pas du tout que la Roumanie, enfin surtout les Américains du Sud pensaient pas que la Roumanie allait rivaliser avec la Colombie. Et ensuite on a Valencia qui égalise pour la Colombie. Il y a déjà 2-0, pardon, excusez-moi, c'est Hadji qui double le score. Et justement c'est dans ce match-là qu'il met un centre lobé, je crois. Ouais. Et ensuite la Colombie réduit le score à 2-1. Et à la 89e, c'est encore Radochou qui crucifie pour la troisième fois les Colombiens. Donc il y avait quand même 93 000 spectateurs, un peu plus, dans le stade de Pasadena, pour voir un superbe spectacle. Donc là, on a deux petits matchs très sympas, en fait, qui sont largement meilleurs que le match d'ouverture. Et sincèrement, dans ce groupe-là, je pense qu'on aura des matchs assez spectaculaires. Ah, c'est sûr. Mais il y aura pas mal de buts, hein, on verra ça. Moi, c'est ce qui m'avait marqué, cette Coupe du Monde, c'est les buts de loin, quoi. Ils tentaient des frappes de loin qui, presque la plupart des frappes de loin, allaient dans le but, quoi. J'ai jamais revu une Coupe du Monde avec autant de buts hors de la surface de réparation. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, ils ont inventé des buts, quoi, les mecs, parce que quand tu vois Kanidia qui nous fait un enveloppé contre le Nigeria, là, justement, là, magnifique, là, sur une passe de Diego, t'as aussi Hadji qui nous met deux frappes lobées, là, un peu sorti de nulle part. Il y avait pas mal de buts innovateurs, en fait, dans la façon de les créer. Des buts que t'avais pas l'habitude de voir. Imaginer, je veux dire. T'avais pas l'habitude de voir des genres de buts comme ça. C'est pour ça que moi, petit, ça m'avait marqué, quoi. J'avais dit, waouh, ouais, mais c'est super, ça frappe de loin, ça crée des occasions comme ça. C'est pour ça que pour moi, ça reste un très bon souvenir, malgré que j'ai pas tout vu. Mais pour moi, ça reste la meilleure Coupe du Monde auquel j'ai pu, entre guillemets, voir, assister, quoi. Ça, malgré que j'ai pas tout vu, c'est pour moi un très très bon souvenir, celui-là, quoi. Avec tous les buts marqués comme ça, ouais, c'est. Et puis, pour rester dans le groupe A, un des autres matchs intéressants qu'il y avait eu, c'était le USA-Colombie, en fait. Malheureux. Très malheureux, celui-là. Ouais, un match malheureux, malheureusement, parce que... raconte l'histoire, vas-y, si tu veux. Bah voilà, c'est Escobar, donc défenseur de la Colombie, qui, à la 35e minute, va marquer contre son camp. Bon, c'est pas le but vainqueur des États-Unis, mais en fait, ça aide les États-Unis à remporter le match. Les États-Unis vont remporter 2-1, et quelques jours après être rentré chez lui en Colombie, Andrés Escobar va au restaurant avec, je crois que c'était sa femme ou avec sa famille, il sort du restaurant, et là, il y a un groupe qui l'attend et qui lui envoie je sais pas combien de balles dans le corps. Il est assassiné devant sa famille. Et je me rappelle plus de la phrase qu'un des tueurs avait laissé. Tiens, au moins celles-là, elles sont rentrées. Je sais plus. Ouais. Et en fait, voilà, il s'était vengé de lui parce qu'il avait éliminé la Colombie de la Coupe du Monde, quoi. Ouais. Triste fin pour un joueur qui a eu le malheur de marquer contre son camp et. Mais bon, pour moi, c'est pas forcément lui le responsable de la défaite, enfin de l'élimination de la Colombie. Hein. C'est l'équipe entière, de toute façon. Ouais. Toute l'équipe avait fauté parce qu'il y avait aucune rigueur défensive dans cette équipe. Hein. Ils se sont même pris. Celui-là, je vois 3, 4, 5. Ouais, ils se sont pris 5 buts sur 3 matchs. Et bon, ils gagnent seulement le dernier match contre les Suisses. Mais ouais, mais c'est trop tard. Il sert à rien, ce match-là. Mmh. Et c'est le deuxième match qu'ils perdent, justement, le deuxième match de groupe contre les États-Unis où t'as les États-Unis qui donnent vraiment tout pour gagner, même s'ils sont pas prêts, ils sont pas, des grands tacticiens. Mais il y a même je me souviens d'un défenseur qui est presque dans la surface à faire un retourné et il a failli marquer sur ce retourné-là alors que c'est pas un attaquant. Ils avaient tellement envie de marquer que, enfin, ils savaient, les États-Unis, qu'il fallait à tout prix gagner ce match-là de toute manière. Pour se donner la chance. Parce 93 000 spectateurs, enfin presque 94 000 spectateurs au Rose Bowl, quoi. Ouais. Parce que le dernier match, ils jouaient contre la Roumanie. La Roumanie, c'est l'équipe. Enfin, malgré le fait que contre la. Ouais, la Suisse, ils avaient perdu 4-1 quand même. Hein. C'était une grosse surprise. Contre la Suisse. Ouais. Mais c'était un match foufou. Hein. Si vous regardez ce match-là, Roumanie-Suisse, c'est un match qui va à 100 l'heure dans tous les sens. Et la Roumanie peut faire un 2-2, mais il y a un 4, y a un 4-1 à la fin. C'est un peu folklorique, mais bon. Voilà, dans ce groupe-là, les États-Unis qui arrivent à battre donc les Colombiens devant leur public de Pasadena. Et ils se qualifient donc pour le deuxième tour. C'est ça. On va passer au groupe B. Alors le groupe B, en fait, il y a Cameroun, Suède, Brésil et Russie. Et donc le match intéressant là, c'est Cameroun-Suède parce que c'est un des plus beaux matchs, en fait, pour le Cameroun surtout, parce que le Cameroun, ils ont la chance de faire un match normal sur. Bah, c'est peut-être le seul match le plus complet qu'ils ont pu faire des trois matchs. Comme j'avais dit lors de la première partie, c'était un Cameroun qui était quand même attendu au tournant, qui devait se montrer aussi humble, aussi bon qu'en 90. Malheureusement, bon, il va y avoir des problèmes de primes, il va y avoir une équipe un peu plus vieillissante, et puis bon, on tombait quand même dans un groupe très difficile aussi, quoi. Ouais, très difficile avec le futur champion du monde surtout. Voilà, exactement. Et un futur demi-finaliste. Donc dans l'équipe de Cameroun, on avait quand même des beaux joueurs, hein, parce que même c'était un petit melting pot là entre 90 et 98. Il y a des joueurs sympas, il y a Joseph Antoine Bell, il y a Rigo Bersong, il y a Kala, il y a Tatao, il y a Narvin Foué, Omen Baïk, il y a MB devant et milieu de terrain NFD. Sinon côté Suède, ben c'est vraiment la grosse tornada. T'as aussi Alphonse Chamit, ouais. Pour ceux qui connaissent. Parce que moi, il y a beaucoup les Camerounais, c'est pour ça que j'adore le Cameroun aussi, c'est que les Camerounais aiment bien s'exporter, c'est un des premiers joueurs à être allé jouer en Argentine. Ouais. Il a joué au Boca Junior et il a été apprécié par les spectateurs là-bas parce qu'il avait fait une première saison où il avait planté, je crois il avait planté une dizaine de buts lors de la première saison, en marquant en plus contre River Plate. Ouais. C'est un joueur, je me souvenais, enfin c'est un des joueurs qui m'avait marqué aussi, Alphonse Chamit. Bon, cette Coupe du Monde 94, il n'a pas beaucoup joué, mais je crois qu'il a dû jouer un bout de match. Mais voilà, ça c'était un joueur qui m'avait beaucoup marqué, Alphonse Chamit. Ouais. Et c'est un match où il fait tellement chaud en fait que les joueurs sont obligés de mettre. Enfin, les gardiens de but, comme ils sont très. Ils sont obligés de mettre des casquettes. Ouais, les joueurs. Et donc, je sais même pas, je pense que ça les a handicapés un tout petit peu quand même. Sûrement, ouais. Les ballons aériens, tout ça, ça devait pas être facile à capter. Et c'est un match qui se déroule à 16h30 à Los Angeles, à 40 degrés. Et c'est vraiment pas évident, quoi. Mais t'imagines, hein, encore, ça se joue encore au Rose Bowl, et t'as encore plus de 93 000 spectateurs. Ouais. C'est quand même ahurissant. Cameroun-Suède, quoi. Cameroun-Suède, ouais, mais voilà, mais c'est ça. Tu dis Cameroun-Suède, 93 000 spectateurs. Ouais. Je veux bien que t'aies un gros stade, mais je sais pas, à l'heure actuelle, je suis pas sûr que t'aies autant de spectateurs dans le stade. Ouais, il y avait un petit packaging sûrement pour les gens qui avaient acheté des places sûrement. Voilà, sûrement, ouais. Il y avait peut-être deux ou trois. On avait le choix de voir les trois matchs ou de deux poules ou des choses comme ça. Il y avait sûrement quelque chose, ouais. Mais l'avantage c'est qu'on avait la chance en fait de voir plusieurs groupes dans les mêmes villes en fait. Donc c'était agréable, on n'avait pas les mêmes équipes à chaque fois, quoi. Comme là par exemple on avait les États-Unis, la Colombie, puis là on a Cameroun-Suède. Là on avait la Roumanie aussi qui est venue jouer à Los Angeles. C'était fait de façon intelligente pour attirer les spectateurs. Exactement. Voilà. Et puis c'est Henri Michel, l'entraîneur du Cameroun. Henri Michel, ouais. C'est vrai. Ouais. Sinon pour côté Suède, hein, c'est la grosse équipe, hein, qui va faire la demi-finale plus tard avec Thomas Ravelo but, Nilsson, c'est Roland Nilsson je crois qu'il s'appelle. Andersson, Björklund, Ljung, Blomqvist, Schwarz, Jonas Tern, Thomas Brolin, Kasim Gusson et Martin Dahlin en attaque. Ouais. Donc c'est pratiquement la même équipe. 1-12, voilà. Puis c'est la même équipe qui avait affronté la France en lors de la qualification. De... Ouais. Bah la France qui s'était imposée au Parc des Princes, hein, je crois, ouais. De Buzyn, oui. Avec Cantona qui avait son blad dans le plat. Ouais, c'est ça, exactement. Franchement, la France était. Moi, je trouvais la France supérieure à la Suède. Hein, mais bien sûr, ça c'est sûr. Malheureusement, justement, c'est ce qu'on disait, la troisième journée, trois journées avant la fin, ils sont en Suède, je crois, la France, et ils font match nul, alors qu'ils gagnent, ils gagnent là-bas. Et ils se font rattraper, et c'est là qu'en fait, ils perdent le point pour la qualification aussi. Et non, la Suède, c'était vraiment une force sûre. Et puis ils arrivent à faire deux. Le Cameroun, c'est plus le Cameroun qui arrive à faire deux partout contre la Suède, on va dire, parce que. Oui. Donc c'est Ljung qui couvre le score pour la Suède à la 8ème minute. Ensuite on a MB. Et Omambi quand même qui permettent au Cameroun de mettre 2 buts à 1. Et encore des danses magnifiques au niveau du poteau, comme le Makossa, comme Roger Milla en 90. Ça aussi c'est des images qui restent un peu dans les mémoires, parce que voilà, que ce soit le Cameroun. Tu vois les Africains quand ils marquent, et ben à l'époque, moins maintenant, mais à l'époque c'était toujours une petite danse. T'avais aussi pour le Nigeria, t'avais Amunike, t'avais qui d'autre aussi, Finidi George, tu sais, se mettait à danser. Non, c'était marrant, quoi. C'était pas souvent que tu voyais ça, des joueurs danser quand il y avait des buts. On va passer à un autre match de ce groupe B. On va passer au Brésil-Suède. Ouais. Brésil-Suède, parce que Brésil-Suède, c'était un match assez décisif pour la première place. C'est un match avec deux grosses équipes, hein, sur le terrain. On voit que ces équipes-là sont capables d'aller jusqu'au bout. Autant la Suède que le Brésil. Et d'ailleurs, c'est dans ce match-là, c'est un match qui se déroule au Silverdome, à Pontiac. Et c'est Kenneth Anderson, hein, le joueur de Caen, en fait, qui ouvre le score. Là, il était à Lille à l'époque. Il était à Lille avant d'aller à Caen. Et il ouvre le score sur une superbe, on va dire, un geste technique en fait, où il est en extension et il arrive à lober le gardien Taffarel. Mm. Et c'est un geste magnifique hein, si vous avez l'occasion de revoir ce but là. Et je pense que Taffarel il se demande encore où est passée la balle. Sûrement, ouais. Il est en train de regarder dans le ciel et la balle est dans ses buts. Mmh. Et un peu plus tard, en fait, juste après la reprise, en fait, en la 46e minute, c'est Romario sur une accélération digne de ce qu'il faisait au Barça. Oui. Une accélération à un coup de rein, il prend des joueurs de vitesse avec un. Je crois qu'il fait un 1-2 avec un autre joueur. Mmh. Et il arrive à croiser son tir, une frappe toute molle à ras de terre, mais tellement bien placée que ça finit au fond des buts de Ravelli. Et un but partout, en fait, dans ce match. On va dire c'était un match finalement assez moyen sur la première mi-temps. Parce que le Brésil n'a pas joué, hein. Moi je me souviens de ça. C'était un match où le Brésil avait fait un petit train-train en fait. Mais ils étaient déjà qualifiés de toute façon. Donc voilà, ils jouaient plus tranquillement, plus relâchés ce match contre la Suède, quoi. Ouais. Et donc voilà, c'est un match en fait qui scelle un peu le destin du groupe, hein, avec un match nul, les deux sont qualifiés tranquillement. Ouais, il n'y aura pas de meilleur troisième en plus. Voilà, parce que le Cameroun et la Russie qui vont. On peut en parler rapidement de Cameroun-Russie. Bon, le Cameroun qui se fait écraser 6 buts à 1, mais il y a Roger Milla, 46e minute, qui marque et il fait partie du. C'est le plus vieux joueur à inscrire un but en Coupe du Monde, 42 ans. Voilà, je suis pas sûr qu'un jour on arrive à voir quelqu'un de supérieur à 42 ans à marquer un but, je pense pas. Hein. C'est surtout ça, quoi. Super. Voilà. Faut y aller, je veux dire là. Ben, voilà, tu peux mettre un joueur de 42 ans sur le terrain, mais est-ce qu'il va marquer? À part peut-être sur penalty, mais voilà, c'est tout, quoi. Ouais, un peu comme Klose là qu'ils avaient fait jouer avec l'équipe d'Allemagne pour battre le record, ils avaient fait exprès de le faire jouer. Exactement. Bon, c'était là quand même. On a une équipe de Cameroun qui est complètement désorganisée volontairement, hein, parce que y a eu l'histoire des primes pas payées. Je crois qu'ils ont carrément pas eu la prime de qualification à la Coupe du Monde. Il y a plein d'histoires d'argent qui rentrent en jeu et le Cameroun en fait, ils veulent plus jouer. Et ils sont là en fait parce que bon, par rapport à pour honorer leur pays entre guillemets, ils font le match, mais aucun joueur ne veut jouer. Et les buts s'enchaînent pour la Russie et on a Igor Salenko en fait qui est le premier joueur à marquer 5 buts dans un même match en fait. C'est sûr. 15e, 41e, 40e. Bah, c'est le recordman aussi lui. Hein. Voilà. Et franchement c'est un match où on n'y croyait pas quand on voyait les buts s'enchaîner. Moi je me souviens avoir ce match là, je sais plus si je l'ai vu en entier ou si j'ai vu un grand format le soir. Les buts qui s'enchaînent là à San Francisco là dans le stade, c'est impressionnant parce que c'est limite, il y a l'engagement, il y a but après quoi. C'est ça. Moi j'étais choqué quoi en fait. C'était un des premiers matchs que je voyais abandonné par une équipe dans une Coupe du Monde. J'avais jamais vu ça quoi. Ouais. Autant c'était en quelle année? En 74 où t'avais. Ouais, 74, t'avais le Zaïre qui avait perdu 9-0 face à la Yougoslavie, mais dans des. C'est exactement pareil, quoi. C'est dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Voilà. Eux, ils ont refusé totalement de jouer. Voilà. Mais dans le même contexte, t'avais des. Voir des matchs autant arrangés en fait. C'était un peu choquant, je trouvais, à une époque moderne du football à l'époque. Mais bon, voilà quoi. Là, donc la Russie qui, malgré cette victoire, ne finit même pas dans les meilleurs troisièmes parce qu'ils ont que 3 points, mais il y a encore des équipes devant elle, quoi. Ouais, oui. Donc voilà, pour ce groupe B. On va passer au groupe D maintenant. Le groupe D, en fait, c'était un groupe où il y avait la fameuse Argentine. Et, ah oui. Voilà. Donc Argentine-Grèce, le match qui se déroule le 22 juin à Boston. Pour moi, un des meilleurs matchs. Sous une pluie de papelitos. Ouais, c'est vrai. Dans les deux sens du terme, il pleut un tout petit peu. Et puis les Argentins ont envahi en fait les tribunes, hein, parce qu'il y a des papelitos déjà avant le match dans tout, derrière les buts, un peu comme à la Bombonera, à Boca. Et on a l'équipe d'Argentine qui s'apprête en fait à faire une grande Coupe du Monde. Hein. Mais là, ils sont parés, hein, parce que quand on les voit rentrer sur le terrain, rien qu'à l'île nationale, c'est l'opposé de l'équipe nationale qui avait joué justement cette finale contre l'Allemagne en 90. Et on a des grands joueurs à confirmer en fait sur le terrain, comme Redondo, Diego Simeone, Batistuta, Caniggia, Belbambo, Sensini, Ruggeri, Chamot, Caceres, Islas. C'est une grosse équipe. Et puis Maradona, bien sûr, hein, qui a été rappelé, capitaine. Capitaine. Le joueur rappelé un peu pour faire qualifier l'équipe d'Argentine contre l'Australie en phase de... En phase de barrage, en fait, avant cette Coupe du Monde. Et tu veux parler un peu du but de Diego Ouais, parce que pour moi, c'est un des plus beaux. C'est niveau qualité, quoi. C'est une touche de balle, c'est des 1-2. Je crois qu'il fait une 1-2 avec Batistuta. Voilà, c'est en une touche de balle. Et puis Maradona qui frappe un tout petit peu en dehors de la surface et qui marque. Franchement, pour moi, c'est un des plus beaux buts. Et puis bon, voilà, il y a. Sin alcanzar Balbo, la busca otra vez Abel en el rebote. Balbo tocándola para Redondo, Redondo para Maradona, Maradona para Redondo, Redondo para Cani, Cani para Redondo, Redondo para Maradona, Maradona en la media luna, tiró, ¡gol! ¡Gol! Cette image où il s'approche... Il va vers la caméra, puis tu le vois en train de crier, les yeux révulsés, trucs comme ça. Bon, tu peux pas te dire sur le fait tout de suite, ouais, il est chargé, il y a quelque chose qui va pas. Bon, tu dis il est content d'avoir marqué, mais ça fait peur parce qu'il a une tête qui est pas pareille que d'habitude, quoi. On en avait parlé, il est très très affûté déjà par rapport à ce qu'il avait pu être à Séville. Ouais. Donc là, en plus, l'année 93-94. Il joue au Newell's Old Boys, il était blessé, il a pas joué beaucoup en fait. Mais tu vois qu'il a énormément perdu de poids par rapport à Séville. Ouais. Et tu vois un joueur qui est bon, enfin qui court vite, qui a encore de la vista, et voilà, il marque ce but-là. Mais à ce moment-là, on sait pas que c'est son dernier match et son dernier but qui va marquer de la compétition, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et non, c'est un match qui est largement dominé hein, par l'Argentine. Bah oui. Batigol, hein, qu'on va surnommer. Il en met trois, dont deux en dehors de la surface, quoi. Ouais. Bah le premier, il est un peu bizarre. Je crois que c'est le premier ou le deuxième où on va dire qu'il frappe un peu involontairement du tibia, ouais. Et la balle, elle continue d'avancer. Ça trompe le gardien. Ça trompe dedans, ouais, c'est sûr. Il y a une histoire comme ça, je me souviens. Mais sinon, voir Redondo, Simeone, c'est au milieu de terrain, c'est magnifique, quoi. Ouais. Moi, J'aurais adoré voir quand même cette équipe d'Argentine aller plus loin que les quarts. Plus loin. Bon, même s'ils tombent contre une grosse équipe de Roumanie, on verra plus tard. Mais, ouais. Quand on revoit le Brésil finalement en finale contre l'Italie, qu'on avait surnommé un peu le Portugal de 2016, oui. Avec une star et que des défenseurs, c'est un peu... on va dire que pour Roberto Baggio, on était content de voir cette finale, mais dans l'esprit du jeu... J'aurais préféré voir un Nigeria-Argentine, comme on verra plus tard au JO d'Atlanta, quoi. Oui. En 96. Mais non, pour ce premier match, les spécialistes déjà sont surpris par l'Argentine qui est vraiment décidée à montrer qu'ils sont les plus forts dans cette Coupe du Monde, parce que faut dire que depuis que la Coupe du Monde a commencé, on n'a pas vu forcément une équipe sortir du lot, on va dire. Moi, je me souviens pas avoir vu, par exemple, la Roumanie... que les spécialistes disent que la Roumanie, c'était une favorite, même s'ils ont battu la Colombie, quoi. Non, c'est... Parce que le Brésil, même, dans le groupe B, le Brésil, ils font contre la Russie un 2-0. Mais c'était assez moyen, le match. Ouais, c'était pas génial, oui. Pas génial, hein. Il y a Romario qui marque un but sur un corner, de l'extérieur du pied, enfin... c'était vraiment pas terrible, terrible. Je crois qu'il y a un penalty de rail dans ce match-là, ou quelque chose comme ça. Et c'est pas du tout... c'était vraiment moyen, quoi. Brésil moyen. Et l'Argentine, pour moi, à cette époque-là, je me souviens, c'était la meilleure équipe de la Coupe du Monde avant, justement, le deuxième match qui arrivera plus tard contre le Nigeria. Ouais, c'était un prétendant, hein, déjà. Un prétendant. Bah, c'est sûr, quand tu vois la qualité du premier match, bon, après, tu vas me dire, c'est contre la Grèce. Hein. La Grèce qui est vraiment, mais très, très faible. Tu te dis, bon, s'ils arrivent à écraser la Grèce, ça risque d'être compliqué pour les autres écuries contre l'Argentine. En plus, c'est vrai que quand tu regardes l'effectif, tu peux pas faire mieux, quoi. Hein. C'est un sacré... Il y a du beau monde hein, dans cette équipe argentine. Ouais, c'est certain. Ouais. Et donc, le même jour, en fait, on avait eu le match juste avant entre... juste après, plutôt. Juste après, pardon, entre le Nigeria et la Bulgarie, en fait. Et c'est un match qui fait peur finalement aux Français qui sont pas venus. Parce que mince, on s'est pris 3-0, mais aussi ça veut dire. Ouais. Donc, ouais. Et je me souviens, j'étais content, je me dis, ils se sont fait défoncer la Bulgarie, ah, oui. Ça fait plaisir. Et tu te dis finalement, on n'a pas notre place à la Coupe du Monde, on est vraiment mauvais. Parce que... C'est possible, hein. Je suis pas sûr que, en plus, avec, comme on avait dit, hein, avec la mentalité qu'il y avait dans l'équipe de France à l'époque, ouais. On n'aurait peut-être même pas passé le premier tour, hein, c'est possible. On aurait peut-être battu la Grèce, mais tu vois, je suis pas sûr que la France aurait fait grand chose, hein, ils auraient peut-être fait pareil, enfin, ils auraient peut-être même fait plus pire que la Bulgarie. Hein. Bah. On saura jamais, mais là, on saura jamais. Ce jour-là, le Nigeria, ils étaient comme possédés par une force supérieure, on va dire. Il y avait des marabouts dans le coin. Des marabouts dans le coin, hein, parce que même, je crois que c'est Yekini qui marque son but là et qui va dans les filets, c'est lui. Ouais, bah, c'est le premier, ouais, il va dans les filets, là, il prend les filets, puis il secoue, ouais, ouais. Secoue fort, et puis après c'est Amokachi qui marque et puis qui danse là sur le terrain. Là. Ah, mais cette équipe-là du Nigeria, là. Non, elle a fait rêver celle-là. Ah, elle a fait rêver. 94-96. Ah là là. C'est quand même, ça montre déjà que le football africain est en net progrès. Ouais, technique et tactique. Hein, donc le Nigeria qui sera la première à... Bah, années 90 hein, jusqu'à 2000, l'Afrique aura des sacrées équipes. Parce que regarde, 96, t'as le Nigeria qui gagne les JO. 2000, ce sera le Cameroun, ouais. Qui gagneront les JO. Bon, 98, c'est un petit peu l'accident, et encore le Nigeria qui vont terminer 8e de finale, mais bon, voilà, les équipes africaines sont à prendre au sérieux maintenant, quoi. À partir de ce moment-là, les équipes africaines sont à prendre au sérieux, et là, ce premier match, ça va montrer que l'Afrique a un vivier de bons joueurs, quoi. Ouais, ouais, c'est une génération vraiment qui était impressionnante, parce que par le physique déjà, et là, si on voulait voir des frappes de loin, il fallait regarder le Nigeria, justement, avec... C'est sûr. Amokachi qui envoyait des pralines là, des 20 mètres, 25 mètres, c'était magnifique. Il jouait à Bruges à l'époque, ouais. Parce qu'on l'avait vu une saison avant, il avait joué contre l'OM en Coupe des Champions. Des champions, voilà, ça. Bah, si on peut rappeler en fait les joueurs qu'il y avait, donc il y avait Amokachi, Siasia, Amunike, Yekini, Fini Di George, Sunday au lycée, il y avait Wanu, Okechukwu, qui sera en 98 aussi lui d'ailleurs, oui, je crois. Oui. Il y a Iroha et Egoavuen, je ne sais pas si je prononce bien, peut-être c'est... Oui, c'est ça, Egoavuen. Il avait Egoavuen. Légèrement hollandais au breton, je sais pas. Ouais, c'est ça. Peter Roffey au but, et puis Yekini. Donc, c'est Yekini, l'avant-centre qui a vraiment été impressionnant sur cette Coupe du Monde. Je sais plus qui finit parmi les meilleurs buteurs. Mais il devait pas être loin, je pense, à un moment donné, quoi, jusqu'à ce qu'il se fasse sortir par l'Italie, quoi. Oui, alors lui, il est, t'as Daniel Amokachi, il marque 2 buts. Ouais. Après, Amunike, c'est pareil. But alors. Ouais, parce qu'après, c'est le meilleur buteur, c'est Stoïkov et Salenko. Puis après, c'est Romario, Baggio, 5 buts, tu vois. Donc, non, le premier... Le premier, c'est Daniel Amokachi avec 2 buts. Ouais, ils étaient partis sur un bon ratio quand même. Voilà, parce qu'après, c'est un but et c'est différent d'autres joueurs nigérians qui marqueront. Ouais. Ouais, c'est vraiment dommage. Genre. Pareil, Nigeria, j'aurais bien aimé les voir plus loin aussi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et donc, dans ce groupe D, en fait, on a... On parlera tout à l'heure de Maradona et justement de ce match contre le Nigeria. Qui se finit mal pour lui, on va dire. Et donc, lors de la dernière journée également, il y avait le Bulgarie-Argentine. L'Argentine un peu sonnée par le coup de théâtre qui s'est déroulé avec Maradona et son expulsion de la Coupe du Monde. Et se liquifie un peu et ça présage une mauvaise fin de Coupe du Monde pour l'Argentine. Parce que, ah oui. Ils perdent 2-0 sans vraiment réagir. Voilà, on a en fait, elle a explosé en plein vol, hein, cette équipe d'Argentine. Elle était, on les sentait super forts. Il y a eu ce coup avec Maradona, on va en parler tout à l'heure. Et voilà, après, c'est. Tu sais, t'as un avion qui vole, d'un seul coup, paf, ça explose. Ouais. Et il y a tout qui descend par terre, quoi. Voilà. Tous les joueurs, tous les joueurs ça... descendent avec l'avion. Non, mais voilà, c'est ça, c'est que ça fout un coup au moral, et puis tu vois l'Argentine qui va complètement perdre les pédales par la suite, quoi. Ouais, ouais, malheureusement. Et on va passer au groupe E, en fait, avec Italie-Irlande et le match qui s'est déroulé à New York, au Jam Stadium. Ouais. C'était un des matchs les plus surprenants, moi, que j'ai vu dans cette Coupe du Monde pour dans ce premier tour, parce que l'Italie favorite, avec le Milan AC qui avait gagné la Ligue des Champions assez facilement. Oui. Finalement en finale 4-0 contre le Barça et qui se retrouve avec pas mal de joueurs du Milan dans l'ossature de l'équipe d'Italie et qui n'arrive même pas à prendre le dessus sur l'équipe d'Irlande. C'est impressionnant. Ça, ouais. C'est une grosse surprise quand même. Grosse surprise, hein, parce surtout que bon, ils prennent le but assez rapidement, plus 11e minute. Ouais. Et là, l'Italie n'y arrive pas. Là, ils ont complètement foiré ce premier match, quoi. Ouais, il y a un Roberto Baggio complètement inexistant. Ah oui. Inexistant. Je sais même pas si à un moment donné il est remplacé. Non, même pas. Même pas, même pas. Non, c'est Evani et puis Signori qui sont remplacés. Ouais. Parce qu'il faut dire que le coach en fait de l'équipe d'Italie, c'est Arrigo Sacchi. Mm. Et Sacchi, c'est un entraîneur un peu. C'est difficile de comparer ça à un Mourinho, mais pour les jeunes d'aujourd'hui qui veulent avoir un équivalent, c'est un entraîneur qui aime bien jouer en contre et qu'on va dire qui est très très défensif sur la 90% du match, quoi. C'est à l'image du football italien, hein, des années 90, quoi. C'était, il fait pas le jeu, voilà. C'était le Catenaccio, quoi. Et donc. C'est un peu ça qui a pêché en fait côté italien, parce qu'ils ont des bons joueurs d'attaque comme Zola, l'équipe d'Italie avec pas mal de joueurs offensifs, mais qui prônent trop le jeu défensif, et finalement ça va leur jouer des tours dans ce groupe. Hein. De toute façon, Sacchi c'était l'entraîneur du Milan AC fin 80. Ouais. Et tu retrouvais un petit peu le même style de jeu du Milan AC fin 80 qui avait une superbe équipe. Mm. Il y avait des très bons attaquants, mais voilà, ils marquaient leur but et puis après ils défendaient tout le match. Ouais. C'était exactement ça en fait. Et l'Italie, ça a été pareil en fait en 94, sauf que contre l'Irlande, ça a pas du tout marché. Ouais, voilà. Ouais. Une équipe d'Italie qui va se retrouver avec une défaite, une victoire et un match nul. Un match nul. Et avec 4 points donc. Et comme les autres équipes du groupe. Et ça va être assez compliqué finalement pour sortir du groupe. C'est fou quand même quand tu regardes bien, parce que donc toutes les équipes ont une victoire, une défaite, un match nul. Ouais. Bon, il y a juste le Mexique qui est premier parce que eux ont marqué plus de buts que l'Irlande et l'Italie. La Norvège est éliminée parce que voilà, ils ont marqué qu'un but, ils en ont pris un. Mais après, ça se joue entre l'Irlande et l'Italie, et je pense que là, ça doit être au niveau des cartons jaunes, comme Pagliuca a pris un carton rouge contre la Norvège, ça leur a été défavorable. Mmh. Ouais, ouais. Donc c'est l'Irlande qui est passée deuxième et l'Italie troisième. C'est vraiment pas évident parce que d'imaginer ça pour cette équipe d'Italie. C'était hyper décevant parce qu'on avait mis pas mal d'espoir en fait, surtout les fans européens et les Italiens, ils avaient mis pas mal d'espoir dans cette équipe-là pour justement faire le spectacle à la Coupe du Monde, et on se retrouve avec une équipe vraiment un peu moribonde. Mais peut-être après la saison des Italiens en Serie A, c'est long. C'est long, hein. Et voilà, il y a la Ligue des Champions. Et puis l'Italie jouait presque à domicile, hein. Si on regarde bien Giant Stadium New York, voilà quoi. C'est vrai que ce stade, ouais, il était magnifique, hein, parce ouais. qu'il y avait justement toute la communauté italienne et irlandaise de New York qui était venue. Il y avait la fête dans les rues, il y avait toute une préparation. C'était tout bon enfant, ouais. Ouais, voilà. Et puis après, on sait que les Irlandais, ils sont très friands des matchs à enjeu contre des gros rivaux européens. On l'a vu contre la France en 2010, bon, la qualification, c'était hyper compliqué. Ils aiment bien faire faire l'impossible, les Irlandais. Ouais. Donc c'était tout à leur honneur de les battre, de battre les Italiens également. Hein. C'était une grosse, grosse performance. Hein. Ouais. Sinon, dans ce groupe-là, il n'y avait pas forcément des matchs très intéressants. On peut parler de l'Italie-Norvège, c'est un match maudit en fait pour les Italiens. Ah oui, oui. Il y a Franco Baresi qui se blesse. Ils jouent encore à New York, ils ont la chance de jouer une deuxième fois à New York, les Italiens. Mais tout va mal pour eux, quoi. Tout va mal. Et Pagliuca qui se prend un rouge. Bon, c'est un coup franc hors de la surface. Je crois que c'est ça. Ouais. Qui donne pas une occasion de but nette aux Norvégiens. Mais, et puis finalement, l'Italie qui arrive à s'en sortir avec un coup de tête de Dino Baggio sur un corner. Et moi je me souviens ce match-là, je le regardais avec le stress, mais un stress mortel quoi. Je me souviens, j'étais pas bien, j'étais assis, je me suis dit peut-être si je m'assois là ou si je me mets là, ça va mieux se passer. Ah, j'étais pas bien, hein, je me souviens, oh là là, c'était horrible ce match parce que je voyais pas comment l'Italie allait marquer, hein, jouer à 10 contre 11 pendant tout le match. Ah mon dieu quoi. Enfin bon, finalement, les Italiens ils s'en sortent avec les tripes et puis une fois qu'ils ont marqué, par contre là. Défense totale. Ah oui, bah ça de toute façon. Ouais. Voilà, voilà. Donc ensuite, on va passer à l'épilogue Maradona. Là, l'épilogue ouais. Maradona, en fait, parce que c'était le gros coup de théâtre en fait qui s'est déroulé devant cette Coupe du Monde. Hein. C'est un peu mis de côté les qualifications de certaines équipes, hein, parce que c'était le sujet de conversation dans le journal télévisé, dans la presse mondiale. Le lendemain en fait du match Nigeria-Argentine, qui avait vu la victoire des Argentins de 2-1, c'est ça je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Avec une très belle performance de l'Argentine. On a Maradona qui est malheureusement qui est contrôlé positif à un produit plus ou moins interdit. C'est ça qu'on en discutera juste à la fin de ce chapitre. Mais le produit utilisé par Maradona n'était pas forcément banni par la FIFA en fait dans la compétition. C'est un peu ça qui est choquant en fait. Tu veux parler un peu de ce match Nigeria-Argentine avec Maradona? Bah, je me souviens juste que au moment du match, t'as une femme qui... C'est ça, hein, c'est une... Ouais. T'as une infirmière. Alors on sait pas tout de suite, je sais pas qui c'est tout de suite, cette femme qui vient chercher Maradona. Maradona, lui qui est avec le sourire, il essaye de jouer un petit peu avec ça. Il se dit tiens, je suis dans les bras d'une femme, c'est pas mal. Ouais. Et à ce moment-là, on sait pas trop ce qui se passe en fait. Ouais. Je sais pas, on sait pas, j'ai pas souvenir parce que je dis moi les matchs de l'Argentine, j'ai vu celui contre la Grèce, celui contre le Nigeria, bon il était trop tard pour moi, je l'avais pas vu mais c'était le lendemain et je me souviens, moi c'était les résumés mais j'avais pas mis le son ou un truc comme ça, je comprenais pas et je voyais Maradona sortir dans les bras avec une femme là, je sais pas. Ouais, c'est vrai que en fait c'était un peu scénarisé parce que je me souviens que dans les autres matchs, voilà. On n'avait pas forcément l'occasion de voir justement des personnes venir chercher des joueurs pour aller au contrôle antidopage. Voilà. Et c'était un peu, je dis pas qu'ils étaient préparés pour que ouais, justement mais voilà. Sortir, mais j'ai des sérieux doutes hein, moi sur cette histoire-là. Je dis mais Maradona déjà était pas forcément aimé, il a toujours. Déjà, il y avait Joao Avelange, il pouvait pas se blairer. Ouais, ouais. J'ai son livre, si vous pouvez lire son livre à Maradona, il est superbe. Le dernier ou même l'avant-dernier qu'il a sorti, parce que c'est presque les mêmes. Et il disait que lui, il pouvait pas blairer Avelange, et puis il l'a beaucoup de fois critiqué. Alors, est-ce que c'est une punition de la part d'Avelange envers Maradona? Est-ce qu'il voulait pas que ce soit l'Argentine qui gagne la Coupe du Monde? On sait pas, mais voilà, quelqu'un est venu chercher Maradona, une femme, et quelques jours après, enfin une journée ou deux jours après, on apprend que Maradona était chargé comme une mule et qu'il est exclu de la Coupe du Monde. Alors là, c'est un gros coup de tonnerre. Ouais, parce que c'est présenté comme ça en fait. C'est pas présenté comme un produit mineur en fait qui a été utilisé. On dit voilà, Maradona, il a été contrôlé positif à plusieurs produits. Et finalement, ils y présentent ça comme un cas extrêmement grave. Mais on apprend finalement qu'en fait, le produit utilisé, c'est un brûleur de graisse. Alors, si on peut comparer ça aujourd'hui, on a eu Mamadou Sakho. C'est de l'éphédrine. En fait, c'est de l'éphédrine qu'il avait pris. L'éphédrine, ça, c'est une espèce de, c'est un truc qui doit de booster un petit peu, quoi, si tu veux. C'est, Mais le éphédrine, ça brûle juste les graisses, c'est-à-dire voilà. ça t'allège ta masse. Mais comme comme en fait c'est proche de tout ce qui est amphétamine et trucs comme ça, voilà, bah après c'est au bon vouloir c'est au bon vouloir de la FIFA. Ça aurait été un autre joueur un peu moins connu, je pense qu'ils auraient fait abstraction, ou quelqu'un de bien aimé dans le monde du football, ils auraient peut-être fait abstraction, comme là c'est Maradona. Bon, c'est que mon avis, mais comme là c'est Maradona, bon, il a pris cher, quoi. Ouais. Et c'est comme s'ils avaient déjà des doutes sur lui, parce que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que il y a justement dans le match de barrage contre l'Australie, ce qui s'était passé en fait dans ce match, c'est que il y avait des joueurs en fait qui avaient été tirés au sort pour le contrôle antidopage. Et qui s'était enfui en fait avec l'avion de l'Argentine, la sélection, rapidement, justement en prétextant qu'ils n'avaient pas le temps d'aller au contrôle antidopage en Australie pour prendre l'avion avec l'équipe d'Argentine. Voilà. Et les joueurs ne s'étaient pas présentés. Et je pense que ça, c'était un truc qui était resté un peu en travers de la gorge en fait des dirigeants de la FIFA. Ils s'étaient dit, si on a l'occasion de les faire tomber l'Argentine, peut-être que voilà, on va essayer d'organiser quelque chose contre un de leurs meilleurs joueurs ou je ne sais quoi. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans un documentaire qui était sorti un peu plus tard, c'était que justement déjà l'éphédrine, c'était en vente libre aux États-Unis, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de produits en fait justement pour le bodybuilding et le fitness qui sont en vente libre dans les pharmacies. Il n'y a pas besoin d'ordonnance. Et le coach en fait, physique en fait, préparateur physique de l'Argentine avait été acheter des produits en fait la semaine où ils étaient arrivés en Amérique pour préparer l'équipe à la Coupe du Monde. Et justement, ils avaient acheté de l'éphédrine, ils l'avaient dit, s'en était pas caché. Ils avaient déclaré en fait ils avaient demandé à la FIFA si c'était un produit autorisé ou pas. La FIFA avait dit non, vous pouvez le prendre, vous avez le droit. Voilà. Et finalement, on se retrouve avec un joueur comme Maradona sanctionné pour avoir pris ce produit-là. Alors, est-ce que il y avait un alinéa qui disait que fallait pas prendre ce produit pendant les matchs, mais en préparation? Est-ce que justement il y avait un autre produit un peu plus grave, comme, parce qu'on sait que Diego c'était un adepte de la cocaïne. Non. Est-ce qu'il n'y avait pas des traces de cocaïne? Ils ont possible pour pas que ça fasse un gros scandale sur sa Coupe du Monde. Après, moi ce que j'ai trouvé dommage, c'est que en regardant d'autres matchs, tu peux te dire que tiens, il y a peut-être celui-là qui était pas net. Et finalement, t'as l'impression que ça a été commandé par Avalanche pour faire sortir Maradona de la Coupe du Monde. Et que moi, c'est le sentiment que j'ai eu, mais c'est pas une analyse objective que je fais sur ce cas-là, parce qu'on n'est pas au courant de tout. Non. Mais faut savoir qu'en, par exemple, en NBA ou en baseball, l'éphédrine, c'est pas un produit banni, si vous voulez, quoi, à cette époque-là. Et bon, après, que la FIFA décide en pleine Coupe du Monde de bannir ce produit parce que Diego en a pris. Ouais. C'est un peu gros. Fait, quoi. Et... Bah surtout qu'en plus après il aura une année de suspension de football, quoi. Il sera obligé de ne pas jouer une année entière. Ouais. Voilà, il ne pourra pas pratiquer son métier pendant une année, quoi. Donc pendant la saison 94-95, il n'aura pas de club, voilà. Moi ce que j'ai trouvé surprenant aussi, c'est le fait que justement les équipes qui ont été battues par l'Argentine, parce que s'il y a eu un cas de dopage dans l'équipe d'Argentine, on peut se dire que toute l'équipe avait pris le même produit à un moment donné. Et on voit ni le Nigeria ni la Grèce porter réclamation pour les points. Donc ça, moi j'ai trouvé ça bizarre aussi. Je sais pas ce que t'en penses, mais ouais, bon. Je trouve ça étonnant que finalement en fait on dit tiens, il y a un mec qui est dopé et puis on réclame pas les points qu'on a perdu contre ces équipes-là. C'est ça. Donc bon. Et ça, alors est-ce qu'il y a une compensation financière pour la Grèce? Est-ce que je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, pas de ouais, je sais pas, ouais. Ouais, voilà. Non, ouais, non, mais je sais pas. C'est, on saura jamais de toute façon, donc. En tout cas, Maradona, pour cette Coupe du Monde, il s'était préparé en Argentine, tout ça, dans la Pampa, avec son préparateur physique. Et il avait vraiment envie, en fait, de marquer le football pour sa dernière Coupe du Monde. Et il a marqué dans le mauvais sens, on va dire. Malheureusement. Comme tout grand joueur, en fait, la plupart. Comme tout grand joueur, quoi. Zidane, dernière Coupe du Monde, il fait ce geste malheureux de la tête. Voilà, il y a tout. T'as envie de terminer bien et en fait le destin veut que tu sors par la toute petite porte. Voilà. Ouais, ouais. Malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement. Donc, en fait, pour les équipes qualifiées, pour le tour d'après, on avait eu l'équipe d'Argentine qui devait affronter la Roumanie. Mmh. Et ils font pas un match mauvais, l'Argentine, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, comme on a dit. Ouais, il y a le moral qui a pris un coup, quoi. Moral qui a pris un coup, et puis Adji qui monte toute sa grande technique... qui nous remet un but magnifique sur un centre lobé, pareil, qui finit dans les filets du gardien argentin. C'est une défaite 3 buts à 2, mais bon, on peut dire que la Roumanie a maîtrisé ce match-là de A à Z. Hein. Pour avoir revu encore ce match-là plusieurs fois d'affilée, après l'avoir vu en direct à l'époque, la Roumanie, là, ils montrent qu'vraiment ils sont sur une génération dorée qui se laissera pas dépasser par qui que ce soit dans cette Coupe du Monde sur les premiers tours déjà. Et puis voilà quoi, la Roumanie-Argentine, tu voudrais dire quelque chose? Si vraiment il y avait eu Maradona, il y aurait eu l'entrain qu'ils avaient eu lors des deux premiers matchs, je pense que l'Argentine aurait montré un autre visage. Ça aurait été un superbe match. Bah, ça a été un beau match aussi, hein, là. Je peux pas dire qu'il a été mauvais, ce match. Ouais. Mais on aurait vu une autre Argentine. Et là, je pense que la Roumanie aurait peiné. Mais c'est pareil, on saura jamais. La Roumanie avait une très grosse équipe. Donc pourquoi pas aussi avoir gagné. Même s'il y avait Maradona, ils auraient peut-être pu gagner aussi, quoi. Donc voilà. Mais bon, là, ouais, c'est un sacré match. Hein. Puis c'est vrai qu'Adji, là, il est au meilleur de sa forme. Il a vraiment marqué un superbe but en plus. Voilà, donc l'Argentine, on peut se dire, tiens, l'Argentine au moins peut aller jusqu'en demi-finale. Voilà. À ce niveau-là, avec une équipe comme ça, à part le Brésil, il n'y a pas d'autres équipes qui font peur à la Roumanie, quoi. Et dans un autre match, on avait également en 8e de finale un Mexique-Bulgarie. Alors Mexique-Bulgarie, c'est un match assez comique parce que à un moment donné du match, dans le Giant Stadium, il y a un but en fait. Je sais plus si c'est les filets qui sont cassés ou les attaques. Ouais, il y a un trou dans le filet, je crois. Ouais, il y a un problème de filet qui s'attache plus à la barre en fait, au poteau. Et ils sont obligés de changer le but en fait, en plein match. Il y a au moins 20 minutes d'arrêt de jeu, quelque chose comme ça, 10 minutes d'arrêt. Enfin bon, le match a interrompu. Et on se retrouve en fait avec deux équipes qui vont finir le match au tir au but. Il y a un but de Stoïkov en fait, magnifique là, il frappe sous la barre en force, en toute puissance, là, toute la puissance de Stoïkov qu'on a vu durant la saison avec le comment dire, il était à Barcelone encore. Ouais, il était pas à Parme, hein. Il était à Barcelone encore. Mais je crois Stoïkov, il était Stoïkov, il était à Barcelone, ouais. Ouais. Mais il était beaucoup moins utilisé qu'à l'époque. Ah oui, bah c'était sa 94-95, ouais, c'est sa dernière saison. Et puis plus Romario qui... Il joue moins, hein, déjà. Ouais. Ouais. Et donc voilà, c'est une séance de tir au but, finalement, où la Bulgarie se qualifie 3 buts à 1 au tir au but, avec pas mal d'arrêts de Mihailov, je crois. Et le Mexique finalement qui aurait pu se qualifier pour les quarts, mais c'est pas passé très loin. Donc voilà, un peu partout pour Mexique-Bulgarie et la qualification de la Bulgarie. On avait également Nigeria-Italie. Nigeria-Italie, c'est un match qui se retrouve à être joué à Boston avec le favori, le Nigeria. Et c'est Roberto Baggio en fait qui sauve encore une fois l'Italie en fait. Enfin, pour une des premières fois dans cette Coupe du Monde, il sauve l'Italie. Et qui lance la Coupe du Monde d'ailleurs aussi. Ouais, on va dire qu'il la lance vraiment, quoi. Parce que on verra que ça sera encore plus dur pour les autres matchs. Et dans ce match-là, on a Gianfranco Zola qui est expulsé et il perd une force offensive. C'est un peu triste parce que là l'Italie en fait il se qualifie, mais il ne méritait pas forcément, en fait. Le Nigeria, ils étaient beaucoup plus... Ils égalisent qu'à la 88e minute, là où le Nigeria déjà pensait avoir gagné, hein, de toute façon. Ouais, c'est clair. Parce que c'était un match vraiment qui s'est joué à très peu de choses, et ça s'est joué sur la qualité d'un homme, en fait. Voilà. Donc ensuite, on avait Brésil-USA pour ses huitièmes, avec le match à San Francisco. Tu veux dire quelque chose sur ce match? Bah écoute, ouais, des fêtes des États-Unis. Donc c'est là, je parlais de Bora Milutinovic, qui avait perdu en 90 aussi en huitième de finale avec le Costa Rica et encore contre le Brésil. Ouais. Et ils avaient perdu exactement sur le même score, 1-0. Donc voilà un petit peu l'équipe maudite. Enfin, c'est voilà, bon, il est un petit peu maudit par le Brésil à chaque fois. Mais bon, les États-Unis qui n'ont pas été ridicules non plus hein, pour ce match-là. Bon, ils ont perdu un joueur. Il y a eu deux expulsés. Hein. Il y a eu c'est Claviro, Fernando Claviro là pour les États-Unis qui avait été expulsé. Et le Brésil, c'est Leonardo aussi qui avait été expulsé en première période. Mm-hmm. Mais le Brésil, bon, voilà, hein, c'est un petit Brésil. Hein, c'est pas le grand Brésil qu'on va voir par la suite. Hein, c'est un Brésil qui est un petit peu plus sur sa retenue sur ce match-là, mais qui arrive à marquer grâce à Bebeto. Et c'est ce match-là hein, où il fait le geste du bébé. C'est contre... alors, est-ce qu'il a commencé à le faire contre avec ce match-là, je sais pas. Mais en tout cas, c'est à Brésil-Pays-Bas, en fait, juste après. Juste après. Avec trois. Alors, c'est juste après. Ouais. C'est juste après, voilà, d'accord, ok. Et donc, voilà, c'est la fin du rêve américain pour la Team USA qui se fait sortir de l'Europe. Mais ils sortent par la grande porte quand même, parce que voilà. Perdre que 1-0 face au Brésil... C'est honorable. Ouais, bien sûr, parce que c'est une des équipes favorites. Et puis t'as des grands joueurs dedans. Hein. C'est pas des amateurs comme aux États-Unis. Donc voilà. Enfin, moi j'appelle ça des amateurs parce que au niveau on n'avait pas de club. Voilà. Au niveau international, jouer en deuxième division ou aux Pays-Bas, Willem II comme on a dit. Ouais. Voilà, de se retrouver en pleine Coupe du Monde, c'est déjà bien pour eux. Quoi. Ah, c'était un rêve éveillé qu'ils ont fait. Et puis, bah, ils ont passé le premier tour en étant en procurant un jeu, un très bon jeu. Et voilà, donc je pense que c'est un contrat rempli pour Milutinovic, parce que je pense que leur objectif était de ne pas être ridicule à cette Coupe du Monde. Ils ne l'ont pas été. Ils ont terminé 8e de finale en perdant contre le Brésil. Ouais. Pour moi, c'est une bonne Coupe du Monde pour eux. Quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, ça a été un match très engagé, très serré, parce qu'il faut rappeler que les États-Unis, c'est une équipe hyper athlétique et physiquement, ils ont tenu, hein, malgré la chaleur, ils ont donné vraiment du fil à retordre aux Brésiliens. Et les Brésiliens n'arrivaient même pas, en fait. Ils se sont énervés un peu, les Brésiliens, à un moment donné, parce que quand Leonardo donne le coup de coude, c'est pas pour rien, parce qu'ils sont exaspérés, en fait, par l'agressivité des Américains, mais dans le bon sens du terme, qui ne font pas forcément de fautes. Ils l'avaient peut-être pas fait exprès à l'époque, hein, tu te rappelles, comme avec Paris. Non, ouais. Non, mais bon, Monsieur Castro. Oui. Non, mais bon, ce que je veux dire, c'est que les Américains, ils étaient très durs sur l'homme, comme dirait Moscato. Mmh. Voilà, ouais. Très durs sur l'homme, mais correct. Ça. Et ça énervait au possible les Brésiliens, quoi. Et à un moment donné, on s'est pas demandé si le Brésil allait justement se faire éliminer. Ça aurait été un coup énorme, quoi. Moi, j'aurais comparé ça à un Corée du Sud d'Espagne en 2002, là. Ouais. T'as la Corée du Sud qui dégage tout le monde, mais pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière, ouais. Et les Américains, ils étaient un peu naïfs, en fait, sur la façon d'aborder certaines phases de jeu. C'est un peu ça qui les a fait sortir. Ouais. Mais ils avaient toute l'agressivité que la Corée du Sud avait en 2002, hein, mais ils n'avaient pas la... Et eux, les États-Unis étaient plus propres. Plus propres, en fait, ouais. Voilà. Plus naïfs, plus propres. Voilà. Et c'était... Pour l'esprit, c'était mieux, on va dire. Voilà, quoi. Et donc, pour l'autre match qui avait en 8e également, il y avait un grand Allemagne-Belgique. Alors ça, c'était un superbe match, en fait. Moi, je me souviens d'un des plus beaux matchs de cette Coupe du Monde, avec une victoire 3-2 de l'Allemagne. Et c'était un match où les Allemands ont dû mettre but sur but pour passer à chaque fois devant la Belgique, qui revenait tout le temps. C'est vrai. Et on a vu un superbe gardien, Prudhomme. Michel Prudhomme, ouais. Ah, Michel Prudhomme, magnifique. Il fait un magnifique match. Hein. Ah, si vous avez l'occasion de voir des ralentis, des highlights de ce match, je crois que les highlights doivent bien durer une demi-heure tellement il y a des actions. Ouais, c'est un des matchs les plus beaux qu'il y a eu pendant cette Coupe du Monde. Et on a également l'image de Jürgen Klinsmann qui marque son but sur une frappe croisée à terre avec la bouteille d'eau qui vole dans les buts de Prudhomme, là, qui est passée dans tous les ralentis du monde. dans toutes les télés, quoi. Il y avait aussi le fait que sur ce match-là, les Allemands, physiquement, ils ont dû donner beaucoup plus qu'ils voulaient, quoi. Je pense, ils voulaient plus gérer le match et ils ont dû se retrouver à gérer leur force à la fin parce que on l'a vu contre la Corée du Sud en phase de groupe. Les Allemands, ils sont pas loin de se faire égaliser contre la Corée parce que physiquement, vers la 75e ou 70e, ils tombent tous de régime un peu. Et c'est des avertissements, c'est des avertissements pour les quarts de finale qui arriveront plus tard pour l'Allemagne. Parce qu'on sent déjà que l'Allemagne, physiquement, il peine un peu, quoi. Voilà. Et Prudhomme qui finira dans l'équipe type, en fait, de cette Coupe du Monde avec meilleur gardien de but. Et sinon, les deux autres matchs un peu anecdotiques, tellement les forces étaient pas du tout équilibrées dans les confrontations. Il y avait un Espagne-Suisse et un Arabie-Saoudite-Suède. Ça se finit par 3-0 et 3-1. L'Espagne qu'on avait un peu oublié hein, depuis cette coupe depuis le début parce que l'Espagne ils sont pas du tout impressionnants. Ils font je crois qu'il y a 2-2 contre l'Allemagne à Chicago. C'est leur seul bon match, on va dire. Et sinon le Espagne-Suisse là, ils mettent la pile à la Suisse qui en peut plus, quoi. Ils ont envie d'arrêter la Coupe du Monde, la Suisse. Ils ont été au bout de leur force dans les phases de groupe. Et là, ils sont au bout de leurs ressources là. Et donc 3-0 pour l'Espagne et puis terminé pour les petits Suisses. Et puis Arabie Saoudite, Suède, la Suède. C'est logique, de toute façon. Voilà. Beaucoup trop forte la Suède pour l'Arabie Saoudite. Qui a été quand même. L'Arabie Saoudite, qui a été un petit peu. C'était une petite surprise de voir l'Arabie Saoudite aller au moins en 8e de finale. C'était leur première participation. Bon après ils ont profité qu'il y ait la troisième place qui soit qualificative pour aller en huitième de finale, mais voilà, là ils sont tombés contre beaucoup plus fort, quoi. C'était un match bonus pour les Arabes, clairement, quoi, parce exactement grâce au but d'Al-Oueran. Sinon ils auraient pas été là, on va dire. Ça aurait peut-être été justement la Russie, on va dire, je sais pas. Faudrait voir avec les points. Bon. Après la Russie, c'est pas glorieux non plus. Hein. Non, c'est sûr. Donc pour les quarts de finale. T'avais oublié Pays-Bas Irlande aussi. Ah, Pays-Bas Irlande, excusez-moi. Alors, Pays-Bas Irlande. C'est un match. C'est anecdotique aussi, c'est 2-0 pour les Pays-Bas, c'est logique, quoi, de toute façon. Une victoire logique, les Pays-Bas qui s'imposent comme une équipe pas favorite, mais qui monte en puissance, surtout, je trouve. Même s'ils n'ont pas fait une phase de groupe vraiment impressionnante, parce que. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé de cette phase de groupe, parce que c'est peut-être le groupe le moins intéressant. Le groupe F, c'était le groupe le moins intéressant, mais ils gagnent. Vraiment que sur des petits scores, quoi, de toute façon. Ils gagnent que 2-1 à chaque fois, quoi, en fait. Je me souviens. Ils perdent 1-0, pardon, contre la Belgique, en plus. Voilà. Et si je me souviens, ce Pays-Bas Irlande, je crois qu'il pleuvait, mais je suis pas sûr et certain. Mais c'était un match. T'avais l'impression de regarder un match amical à la télé. Moi, je me souviens de cette histoire-là. C'était un peu ennuyeux et puis une formalité, il n'y avait pas d'enjeu, un peu comme si l'Irlande, pour eux, leur gloire, ça va être de battre l'Italie. Et puis après, ils ont arrêté de jouer, quoi. C'est un match bonus, on est en 8e, on mérite pas. C'est pas qu'on mérite pas, mais pour nous, c'est. Je veux dire, on prétend pas être champion du monde, donc voilà. Pour eux, le plaisir, c'était surtout de faire des bons matchs en phase de groupe. Et je me souviendrai surtout de leur entraîneur là qui était toujours en train de réprimander l'arbitre. Ah oui. À chaque phase de jeu, il était très très virulent, entraîneur irlandais. Je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs. L'Irlande, non, ça c'était l'entraîneur le manager de la Suisse. C'était c'est Jack Charlton, le frère de Bobby Charlton. Jack Charlton, voilà. C'était. Le petit spectacle, c'était lui sur le banc de touche, toujours en train d'être debout, à parler à l'arbitre. Bon, c'était marrant, mais bon. Donc voilà, pour les quarts de finale, on avait donc... Les meilleurs, de toute façon. Les meilleures équipes qui restaient. On pouvait pas faire mieux. Pas de surprise, vraiment. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu des matchs ennuyeux en quarts de finale, surtout. Il y avait un Italie-Espagne, un Pays-Bas-Brésil, un Bulgarie-Allemagne, ouais. Et puis un Suède-Roumanie. C'était que des beaux matchs, hein, parce que... Ah, que des beaux matchs, ouais. Il y a eu beaucoup de buts, déjà. Ouais. Là, on voit que les joueurs étaient libérés. Et puis, il y a un espèce de tour de chauffe, en fait, dans les tours d'avant pour les joueurs stars qui se réservent un peu pour faire des gros matchs un peu plus tard. On voit Dino Baggio et Roberto Baggio qui sont encore présents contre l'Espagne et qui font une bonne performance, parce que dans le Italie-Espagne, ce match-là, on l'annonce comme un choc, en fait, ce quart final, parce que c'est les confrontations des clubs européens un peu qu'on retrouve dans cette finale de nations. Et Dino Baggio donc couvre le score sur une superbe frappe de loin, en fait, à l'extérieur de 16 mètres. Et c'est un match, je crois, qui se déroule sous un déluge. Il pleut énormément. Ouais. Et ensuite, il y a l'égalisation de Caminero à la 58e. Et comme d'habitude, bah, c'est Roberto Baggio qui arrive à la fin du match, 87e, pratiquement à la même minute que contre le Nigeria. Exactement. Qui dribble un défenseur et qui feinte le gardien et qui arrive à glisser le ballon entre tout le monde à ras de terre. Et ça nous fait un superbe final avec une Italie qui est vraiment euphorique, hein, dans cette fin de match. Et on est content, en fait, enfin de retrouver l'Italie qu'on espérait depuis le tout début de la compétition. Voilà. Pour une fois que l'Italie déjà prend l'avantage dans un match, il se fait pas mener au score. Parce que, voilà, c'était rare de voir ça pour l'équipe d'Italie. Et puis, on a des stars confirmées, quoi. L'Espagne qui sort encore d'une Coupe du Monde sans avoir fait quoi que ce soit. Voilà, elle a pas été impressionnante, l'Espagne, dans cette Coupe du Monde, là. Du tout. Ça se vérifiera pour la Coupe du Monde 98. Ouais. L'Espagne, là, est sur le déclin, là. Ouais, et puis même, je sais même pas si on peut parler de déclin ou de continuité, quoi, parce que finalement... Oui, ouais. Bah oui, pour le moment, ouais, c'est sur la continuité, quoi. T'as des bons joueurs, mais n'arrivent pas du tout à s'imposer. Ça fait penser un petit peu aux Pays-Bas qui ont énormément de bons joueurs et puis qui ne s'imposent jamais à la fin, quoi. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'ils vont être éliminés à un endroit précis de la compétition, quoi. Ouais, c'est ça. À chaque fois, l'Espagne, c'est 8e, ou bon, là, ils ont été en quart. Mais quand ils passaient les huitièmes, c'était souvent contre des petites équipes. Et là, ils ont éliminé la Suisse. Comme tu disais, la Suisse qui était complètement au bout du rouleau. Donc, ouais, physiquement, HS. Ouais. Et une des grandes déceptions, moi, de la Suisse, c'était Chapuisat, je m'attendais à quelque chose avec lui. Ah bah bien sûr. Et bon, hyper décevant, quoi. Et donc, c'était un match qui s'était déroulé à Boston, ce Italie-Espagne. Mm. Ensuite, on avait un Pays-Bas-Brésil. Quel match là, c'est un des gros matchs. Brésil qui mène 2-0, et puis que juste après, ils se font... Bah, en fait, ils mènent 2-0 là, à 63e minute, et puis t'as Bergkamp qui marque presque directement après le coup d'envoi du but du Brésil. Ils vont revenir à deux partout, et Branco qui marquera à 10 minutes de la fin. Ouais. Non, franchement, ça fait partie des plus beaux matchs, celui-là aussi. Ouais, faut dire que les buts, ils sont spectaculaires. Ah ouais. Le coup franc de Branco dans les 10 dernières minutes où il nous fait. Branco, c'est. Je sais pas. J'allais dire que c'est peut-être équivalent ou meilleur que Roberto Carlos, mais Branco. Ouais, c'est dans le même genre. Ouais. C'est défensivement intelligent. C'est une grosse frappe de balle. Et il est capable de jouer au milieu de terrain, ce que peut-être Roberto Carlos ne savait peut-être pas faire. Et puis il avait une rigueur défensive, Roberto Carlos n'avait pas de rigueur défensive. Ouais. C'était plus une frappe de balle, Roberto Carlos, quoi. Mais Branco, si on revoit ses prestations durant les matchs, à chaque fois il nous faisait des frappes de 30 mètres dès qu'il pouvait, quoi. Et des patates qui partaient, mais mon Dieu, j'avais mal pour le ramasseur de balles s'il était dans la lignée, quoi. J'avais mal pour lui. Et même le public, quoi, derrière, qui était loin. Hein. Parce que faut savoir qu'aux États-Unis, les stades, il y a souvent des pistes olympiques et c'est le ballon partait loin. Voilà. Et non, puis le premier but, les deux premiers buts où vous avez Romario et Bebeto qui marquent, surtout le premier, Romario, l'extérieur du pied qui nous met sur un centre, quoi, qui est magnifique. Et par contre, le deuxième but où Bebeto marque, le petit problème qu'il y a eu dans ce but, c'est que les Hollandais ont entendu un coup de sifflet, en fait, dans les tribunes. Et ils se sont arrêtés de jouer croyant en hors-jeu, en fait. Ça me fait penser vaguement à France-Koweït de 82. Ouais. Là, cette fois, il y avait eu le gros scandale de l'émir koweïtien qui était descendu pour faire annuler le, ouais, annuler le but. Bon, enfin, là, il y a personne. Le but a été validé, mais ça, c'est le gros souci. Hein. C'est souvent, hein, des fois, que t'as ce genre de, ouais, de problème. Les joueurs qui écoutent un sifflet, puis de toute façon, ça déstabilise complètement la défense après. Hein. Ouais, et c'est justement sur ce fameux but où Beto marque le, voilà, deuxième. Il fait sa célébration pour son nouveau-né qu'il a eu récemment. C'est un bébé, ouais, c'est ça. Et il y a trois joueurs brésiliens qui font le même geste, enfin deux joueurs côte à côte avec lui qui font le même geste, et c'est une des belles. Bah, c'est Romario, je crois, et l'autre, je me rappelle plus qui c'est qui vient. Ah, et Dunga, je crois, non? Ouais, ah, pas certain. Dunga, ça a pas l'air d'être le mec qui aime rigoler. Non, mais je crois que Dunga, je crois qu'il ouais, c'était une tête de con, ce mec. Ouais, on va dire les choses clairement, ouais, voilà. Ouais, c'était quelqu'un qui aimait pas trop rire, voilà. Voilà. Et c'est un peu lui qui a mis Rai de côté, justement, à cette Coupe du Monde, parce que ouais. Rai, c'est un joueur qui finit pas la Coupe du Monde, il est sur le banc de touche. Mm. Alors que, bon, il avait les capacités, je pense. Hein, mais... Bien sûr. Et puis, donc, les Pays-Bas qui reviennent à deux buts partout, à la 64e et 76e minute, avec Aaron Winter sur une tête. Ouais. Et Bergkamp, je sais plus exactement comment son but est venu. Tu t'en souviens, toi? Non. Je t'avouerai, je sais plus trop, là. Je sais que j'ai vu le... Je l'avais vu le match, en plus, celui-là. Je crois que je l'avais vu... Ouais. Il devait être à... Bah non, j'avais dû le voir le lendemain, parce que tous les matchs qui sont à 22h, je les avais pas vus. Hein. Ceux que j'arrivais à voir, ouais, c'est ceux qui jouent à midi. Ouais. Parce que c'était 20h en France, donc 20h ou 19h. Donc, Là, il était à 20h35 en France, parce qu'il était sur la côte est. Ah bah, c'est peut-être que... Alors, peut-être que je l'avais vu, celui-là. Il était au centre, pardon, à Dallas. Donc ouais, il était à 21h30 ou quelque chose comme ça. J'ai des souvenirs de ce match-là, de toute façon. Je l'ai pas vu en entier, mais... Ouais. J'ai des souvenirs, ouais. Ouais. Et puis la petite anecdote que j'ai recueillie en fait avec des journalistes qui racontaient ça, c'est que Dennis Bergkamp, si vous le savez, en fait c'est un joueur, oui, qui a très peur de l'avion en fait. Et même en Europe, quand il jouait à Arsenal, en fait, faut savoir. Soit y allait un jour avant, il allait en voiture, où il prenait le train, un truc comme ça, et là il avait dû prendre le bateau pour y aller. Hein. Voilà, il avait pris le paquebot pour venir aux États-Unis pendant deux semaines avant. Et quand il était en Europe également, avec les déplacements de l'Arsenal, il les faisait en bus ou en bateau entre les différents pays quand il faisait les Coupes d'Europe. Et le problème qu'il y avait aux États-Unis, c'est que là, il y avait des grandes distances. Et oui, l'anecdote qu'il y a eu, c'est que la seule fois où Bergkamp a dû prendre l'avion justement pour aller à Dallas, c'est qu'ils ont une alerte à la bombe dans l'avion. Voilà. Donc en plus, il a la phobie des avions, et en plus... la seule fois où il a dû le prendre, il y a eu une alerte à la bombe. Alors, donc j'imagine même pas le stress qu'il a dû engendrer. C'est clair. Voilà. C'est assez compliqué, mais c'est assez comique à la fin. Quoi. Mais avoir fait une aussi grande carrière et avoir autant peur des déplacements en avion... c'est quelque chose qui est limite pas gérable pour les coachs, ça, parce que un joueur comme ça qui se déplace tout seul sans l'équipe pour faire les déplacements, enfin voilà quoi. Et on va passer à l'autre quart de finale entre la Bulgarie et l'Allemagne, et là c'est la grosse surprise. Ouais, grosse surprise, parce que pareil, là, si vous avez l'occasion de revoir le match, c'est limite incompréhensible, ouais, parce que ce match qui se déroule à New York, en fait, l'équipe d'Allemagne domine de A à Z. Il y a un penalty qui vient pour l'Allemagne au début de la deuxième période, alors que l'Allemagne devrait déjà gagner 1 ou 2-0 en première mi-temps, mais la Bulgarie ne joue pas. Et je me souviens d'un reportage montrant justement Stoïkov qui disait qu'à la mi-temps, c'est lui qui a été parlé aux joueurs en disant « Est-ce que vous voulez continuer la Coupe du Monde ou on s'arrête tous là ?» Et il avait tapé une gueulante dans le vestiaire avec le coach, en fait, à la place du coach même. Et finalement, en fait, la Bulgarie arrivera à s'imposer. Mais je veux dire, c'est une boucherie d'occasion pour l'Allemagne. Et il n'y a que 1-0, finalement, il s'en sort bien. Stoïkov qui justement égalise pour... Ouais, il marque coup sur coup, ça je m'en souviens. Ouais. Un coup franc superbe en fait, excentré côté droit du but, ouais, de son pied gauche, en une frappe enroulée, comme il faut au Barça. Et donc un partout. Et 3 minutes après, il y a un centre qui arrive sur un contre bulgare. Et Lechkov, en fait, du bout de la tête, il arrive à prendre la balle, mais dans une position complètement... Ouais, c'est même... Oui, c'est... maintenant que tu me le dis, ouais, c'est même pas une tête... Enfin, c'est une espèce de tête plongeante. En fait, il est un petit peu gêné par le défenseur, donc il est obligé de se jeter comme un... Ouais, comme un dératé, et puis sur son... Il avait une coupe de cheveux spéciale, lui, hein, il avait... Ouais. C'était bizarre, sa coupe de cheveux, il était dégarni, mais il avait quand même un tout petit ouais, carré de cheveux sur le front, quoi, en fait. Ouais. Ouais, oui, bah maintenant que tu me dis, je m'en souviens, ouais, c'est ça, ouais. Et il avait révélé, en s'amusant, que s'il avait pas eu cette coupe de cheveux, la balle n'aurait pas pris cet effet pour rentrer dans le but. Ah. Je veux bien, mais bon. Quand même. C'est pour l'effet comique, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que quand vous regardez le but, il le prend sur l'arrière du crâne, en fait, du haut du crâne. Et la balle, on a l'impression qu'elle est liftée un peu, comme avec une queue de billard. Et elle prend une trajectoire sortante, en fait, de la prise de balle du gardien de but. Et elle est imprenable, cette balle. Elle est imprenable. Et. Elle finit dans les filets, 2-1 pour la Bulgarie à 10 minutes de la fin pratiquement, et l'Allemagne ne reviendra jamais, parce que quand on sait que l'Allemagne a des coups de barre énormes, à partir de la justement 70e, j'allais dire, ils sont pris de 2 buts, ils sont pris voilà, de 2 buts dans cette période-là. L'Allemagne voilà, sort de la Coupe du Monde alors qu'ils auraient peut-être dû continuer un tout petit peu. C'était un peu le signal d'alarme pour la future génération. Qui aurait dû arriver après 96. Ils ont un peu, donc je pense qu'ils ont pris un peu ce match-là en référence, en changeant un peu l'effectif, en rajoutant des joueurs comme Ziegler plus tard et d'autres qui ont fait un peu l'équilibre entre la vieille génération et la nouvelle. Et finalement l'Allemagne qui sera en 96 champion d'Europe, quoi. Donc ils s'en sortent plutôt bien, quoi. Mais sur cette Coupe du Monde-là, 94, l'Allemagne aurait dû aller un tout petit peu plus loin. Si vous avez l'occasion de regarder le match, vous verrez de quoi je parle. Voilà. Et puis le dernier quart de finale, c'était Suède-Roumanie. Très beau match aussi, celui-là. Hein. Ouais, Suède-Roumanie, très beau match qui malheureusement se finit au tir au but. C'est un peu... Moi, je me souviens du but de Brolin, là, sur le coup franc. Hein. Tu crois que le mec, il va tirer le coup franc direct. Ouais. Et en fait, il te fait une passe en profondeur qui déstabilise complètement la défense. Et c'est Brolin qui reprend, et puis il te met une patate sous la barre. Je me souviens de ce but-là. En fait, il y a eu encore des coups francs, quoi. Il y a Raducciu qui marque, pareil, coup franc pour la Roumanie. La Roumanie qui tire le coup franc, en fait le coup franc est un petit peu détourné, et t'as Raducciu qui le reprend vraiment in extremis le ballon. Voilà, donc ça a été un beau match, mais trop long, quoi. Le match, t'avais envie qu'il finisse rapidement, et ça se terminera au tir au but avec la Suède qui arrivera à battre la Roumanie, quoi. Mais moi, je pensais que la Roumanie allait passer hein, ce jour-là. Hein. Sincèrement, ouais, parce qu'ils étaient plus francs en fin de match. Et j'avais l'impression qu'ils avaient des joueurs beaucoup plus techniques sur certaines phases de jeu et qu'ils auraient pu faire la différence. Mais la Suède s'était mise à défendre et la Suède avait une meilleure défense. Hein. Je pense que c'était ça un peu la clé sur cette fin de match. Ouais. Mais 2 buts partout, pour un quart de finale, c'était assez impressionnant de voir autant de buts. Ça arrive rarement. Donc ensuite, pour les demi-finales, on avait Italie-Bulgarie et puis donc Brésil-Suède. Hein, Brésil-Suède, c'était un remake du match de groupe. Ouais. Et c'était pratiquement le même match, hein, parce que Brésil-Suède, c'est assez fermé. Et c'est Romario, à la 80e, sur un centre qui saute un peu plus haut que tout le monde, malgré sa taille, parce qu'il était très très grand, Romario. Et donc 1-0 pour le Brésil. Et ça se finira là, ça on va dire que le Suède, ils étaient un peu sur les rotules aussi. Hein. Ouais. Moi, je me souviens de ça. Toi quel sentiment t'avais eu? Ouais, je suis pareil que toi. Ils ont complètement lâché prise. Et puis en plus, ils ont pas eu de chance. C'est qu'il y a eu une expulsion en plus pour le capitaine. Donc ils ont terminé à 10. Donc à 10, ils pouvaient plus rien faire contre le Brésil. Hein. Après, le Brésil a fait le jeu, puis il y a eu le but. Et voilà, bon, c'est pas le plus beau match du Brésil, hein, de toute façon. Hein. Ça restera pas une demi-finale qui restera dans les annales. Non, du tout. Mais bon, voilà, le Brésil qui a fait le job et qui se retrouve en finale une nouvelle fois. Hein, voilà, et la Suède qui va jouer le match de la troisième place, on en parlera juste après. Ouais. C'est vrai que dans l'autre demi-finale, Italie-Bulgarie, une finale qui se déroule à New York, c'est le gros favori pour la finale, ouais. Face à un outsider qui est la Bulgarie, qui s'est un peu sortie de tous les matchs de tour éliminatoire après les trips, hein, parce que contre le Mexique, c'est les tirs au but. Après l'Allemagne, c'est un exploit sur 15 minutes. Italie-Bulgarie, c'est un match qui se déroule très bien en fait pour les Italiens, hein, parce que tout s'enchaîne parfaitement. Hein. L'Italie qui mène au score encore une fois et qui double. Qui marque coup sur coup, hein, Roberto Baggio qui marque deux superbes buts, ouais, c'est vrai. Encore une fois, hein, ils jouent au Giant Stadium. Hein. Ouais. Et ils ont l'avantage, c'est vrai, de jouer dans le même stade. Mm. La Bulgarie aussi d'ailleurs, voilà. Ouais. C'est un beau match, mais en fait. Il y a une petite polémique sur la fin du match. Il y a eu un penalty accordé aux Bulgares qui était un peu généreux pour compenser ce qui s'était passé avant, où tu avais un penalty qui avait été oublié par Killor Kinyu, c'est un arbitre français. Oui. Et puis Stoïkov avait dit que l'arbitre français avait cassé son rêve de finale, son rêve d'enfance, et qu'il s'était vengé en fait du France-Bulgarie. Mais bon. Ouais, c'est facile quoi. Je pense pas que Kinyu il se rapporte à ça en prenant des décisions dans un match. Hein. C'est un arbitre qui a arbitré tellement de grands matchs, Joël Kinyu. Il a arbitré Maradona, la Coupe du Monde 90. Je veux dire, il est Stoïkov, pour lui c'est rien du tout. Quoi. C'est sûr. Il a fait des plus grands joueurs que Stoïkov. Alors attention, ouais. Je dis pas que Stoïkov c'est pas un grand joueur. Mais voilà, il a quand même fait. Bah là, c'était sa deuxième. Je crois que c'était sa deuxième demi-finale. Non, c'est sa seule demi-finale de Coupe du Monde qu'il a fait. Mais bon, il a quand même fait des grands matchs. Hein. Il avait fait l'Argentine-Brésil. Il a fait beaucoup de matchs en 90 aussi. Hein. Ouais. Et c'est un match Italie-Bulgarie où Roberto Baggio sort sous les acclamations en fait du public. Ouais. À la fin du match, ils font un petit tour d'honneur. Parce que c'est la dernière fois justement qu'ils jouaient devant leur public italien à New York. Voilà. Et je me souviens, Baggio il finit sous les crampes, hein. Il a décroché à la fin du match, il en peut plus, il tire ses protèges tibia. Pareil là, il doit faire 40 degrés pas loin. Ah oui, bah c'est sûr. C'est un match étouffant, on va dire. Hein. Et il n'y a pas de prolongation, heureusement, hein, parce que je pense que là, ça aurait fait de la casse. Ouh, alors là, à mon avis, s'il y avait eu prolongation, je suis pas sûr que l'Italie passe. Hein. Ouais, enfin, ouais, pas sûr. Si, ou ils auraient passé, parce que les deux équipes auraient été complètement... auraient été nasses toutes les deux, mais là, quand même, l'Italie, ouais, il aurait mieux pas fallu qu'il y ait de prolongation et ni de tir au but, parce que là, voilà, ça aurait été autre chose, ouais. Et donc on va passer rapidement au match de la troisième place. Le match de la troisième place en fait qui se déroule un jour avant la finale. Ouais. Dans le même stade, au Rose Bowl de Pasadena. Et donc là, c'est une démonstration des Suédois de tous leurs atouts offensifs. Avec un superbe Henrik Larsson également. Ah ouais, voilà, c'est là que je l'ai découvert ce joueur-là. Ouais. Ouais. C'est une espèce de tête plongeante qui met pour marquer son but. Ouais. C'est vrai qu'il y a tête plongeante avec Martin Dahlin, on en a vu aussi hein, contre la Russie. Ouais, voilà, ouais. Et il y a une superbe combinaison sur coup franc également là, dans ce match-là, ouais. Qui vient tromper Mirailov, le gardien de... Il joue à Mulhouse encore, là, ou... Le gardien de but bulgare, en fait. Ah, je sais pas, sûrement, peut-être. Et ouais, c'était un joueur qui jouait à Mulhouse à l'époque. Ouais. Et donc, en fait, à la mi-temps, il révèle, en fait... Au journaliste sportif au bord du terrain pour la télévision française, il dit vivement que ça se termine, j'en ai plein les bras. Ouais, mais voilà. 4-0 à la mi-temps, quoi. Ce dernier match, la Bulgarie avait pas envie de le jouer. Déjà, comme tu dis, il y avait eu cette petite polémique avec le match sur la demi-finale. Les joueurs en avaient marre, quoi. Puis c'est vrai que beaucoup n'ont pas envie de jouer cette match de troisième place, donc c'est pour ça qu'on a vu un score aussi fleuve, quoi. Ouais, voilà. Et pareil, c'est un match qui se déroule devant un stade pratiquement plein. Ah ouais, encore. Et, pour la petite anecdote... Oui, il joue encore, pardon, hein. Excuse-moi, il joue encore à Mulhouse. Ouais, Mihailov, c'est un gardien de but, en fait, qui a révélé plus tard qu'il portait une petite perruque, en fait, pour cacher sa calvitie naissante un peu à la Vejkov, quoi. Et ouais. Il supportait pas de se voir, un peu comme Agassi. Qui portait la coupe mulet, mais qui portait, en fait, c'était une perruque, quoi. Voilà, voilà. Enfin, des joueurs très soucieux de leur physique. Voilà. À télé. C'est sûr. Enfin voilà. Et puis on va passer donc à cette finale. Cette finale qui s'est jouée le 17 juillet 94. Rose Bowl. Rose Bowl de Pasadena. Alors là, c'est stade comble plus que comble. Il y a 14 194 spectateurs exactement. Ah oui. Et pour les équipes alignées, on retrouve pratiquement les équipes types. Et le retour de Franco Baresi, qui était parti se faire opérer du ménisque en fait en Italie, en Europe, pour revenir en Suisse, pardon, je crois, pour revenir en Europe, pour revenir aux États-Unis, pardon, jouer cette finale. Et on retrouve l'équipe d'Italie avec Pablo Caobut, Roberto Mussi, Maldini, Benarivo, Dino Baggio, Berti, Albertini, Donadoni, Roberto Baggio et Daniele Massaro, donc beaucoup de joueurs du Milan AC. Et côté brésilien, on a Claudio Taffarel, Jorginho, Aldair, Marcio Santos, un futur joueur de Bordeaux, je crois, ou déjà à Bordeaux, je sais plus. Ouais. Il y a Branco, Dunga, Mauro Silva, Zinho, alors il porte le numéro 9, je sais pas pourquoi. Je me suis toujours posé cette question et il n'y a personne qui a su me répondre ni. Ouais, je sais pas. Quand on sait qu'il y avait Ronaldo sur le banc de touche ou Bebeto ou Romario, peut-être c'était superstitieux, il voulait pas le numéro 9. Et donc Bebeto et Romario en attaque. Il y avait aussi Cafu sur le banc de touche, le jeune Cafu. Et donc c'est une finale en fait qui a du mal à commencer. Hein. Toi, comment tu l'as vu cette finale? Je me souviens que pas forcément de l'ennui. Il y a eu des occasions, mais beaucoup de maladresse devant le but en fait. Ouais. Tu te disais tiens c'est quand même. Enfin t'attendais à ce que le Brésil marque des buts aussi beaux que. Enfin. Sur des actions seul à seul face aux gardiens. L'Italie, ils ont essayé, mais à chaque fois, c'était au-dessus ou à côté, ou c'est Taffarel qui arrêtait. Le Brésil, ils avaient failli marquer. Je me souviens, ça avait touché Pagliuca. Le ballon avait rebondi ensuite sur le poteau. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de maladresse. Et je pense que ça devait être la fatigue qui devait avoir pris le dessus sur cette finale, quoi, en fait. Ouais, certainement, il y a... Il y a un moment donné, un moment cocasse un peu, où il n'y a pas Luca qui vient embrasser son poteau après qui avait rebondi un peu bizarrement. Bah, ça avait rebondi sur lui, ça avait touché le poteau après, quoi. Ouais. Puis les joueurs, ils étaient nazes, ils avaient des crampes à la fin, c'était... Ça aurait été triste quand même de finir une finale avec un but qui rebondit sur gardien qui rentre comme ça. Mais tu vois, ils ont terminé à 0-0, mais pour moi, il est pas plus... Le match était quand même plus joli que celui de 90. Ouais. Ah, certainement, ouais. Parce que là, il y avait l'excuse quand même de la chaleur qui faisait ralentir le match. Ah ouais, c'est pareil. Hein. Et puis, sur le terrain, il y avait peut-être moins de différence entre les deux équipes. Parce que je pense que Argentine était tellement défavorisée par l'arbitrage à l'époque que là, de voir un match équilibré dans un fair play... un bon fair play parce que là je regarde, il n'y a que deux cartons jaunes de chaque côté. Je me souviens pas de faute Non, ça c'était non, ça s'est joué dans un bon esprit. Un bon esprit. Ouais. Les joueurs qui m'ont déçu dans ce match là, c'était surtout Romario, je me souviens. Romario, je l'attendais un peu. Ah, t'attendais qu'il fasse un exploit personnel, qui dribble Pagliuca pour marquer, puis en fait non, il était maladroit aussi devant le but. Mais voilà, tu dois avoir de la fatigue, hein, parce que c'est vrai qu'un mois de Coupe du Monde dans des conditions climatiques comme celle-là, bon, même si les Brésiliens, après tu peux te dire t'es habitué, oui, mais t'es habitué, mais bon, tu joues pas un mois comme ça sous des chaleurs pareilles, voilà, donc là, c'est un peu décevant, mais moins qu'en 90 quand même, quoi. Ouais, c'est vrai, certain. Après, je pense que cette Coupe du Monde-là, il aurait peut-être fallu... J'aurais bien aimé... Moi, ils ont changé des règles pour certains matchs, avec la passe en retrait au gardien, qui est interdit, ou des choses comme ça. Mais j'aurais bien aimé voir, par exemple, moi, peut-être un but en or, ou quelque chose comme ça, pour donner un peu plus tu sais, un peu plus. Le but en or arrivera deux ans plus tard, de toute façon. Hein, donc, ouais. Mais c'est vrai, ça aurait été. Je pense que ça aurait évité qu'il y ait des longues prolongations inintéressantes et puis des séances de pénalty interminables. Mm. Bon, c'est vrai que les séances de pénalty, j'ai jamais aimé ça. Moi, j'ai trouvé ça toujours trop cruel. Mais bon, faut bien au bout d'un moment que le match il s'achève, hein, donc voilà. Hein. Ouais, malheureusement. Et puis bon, c'est pareil, ils jouaient à midi, enfin là-bas c'était midi 35. Bon, pour que tout le monde puisse profiter du match. Mm. Peut-être qu'ils auraient joué légèrement plus tard, parce que c'est pareil, hein, quand tu joues à midi 35, faut quand même une préparation. Tu dois changer toute ta préparation. Tu dois te lever à une certaine heure, tu dois pas manger ci, tu dois pas manger ça. Faut s'y habituer à jouer à des heures aussi tôt. Hein, ouais. Je pense que la plupart des joueurs, ils avaient peut-être pas forcément l'habitude de jouer aussi tôt, quoi. Mmh. Ah, c'est certain. Mais c'est vrai que pour rappeler la séance de tir au but, on se rappelle tous de Roberto Baggio qui rate son dernier tir au but. Ouais, mais t'as Baresi, voilà. Baresi, donc lui qui arrive. C'est incompréhensible. Juste pour cette, voilà, il arrive juste pour jouer cette finale, il tire son penalty, il le tire complètement au-dessus. Voilà. C'est incompréhensible déjà. Parce qu'il vient de se faire opérer. Physiquement, voilà. Il vient de faire un match en plein soleil pendant 2h30. Ouais. Parce qu'ils ont fait l'échauffement aussi, ils sont pas arrivés sur le terrain. Ah bah non, c'est ça, sûr. Voilà. Je veux dire, c'est irresponsable de la part de l'entraîneur. Alors, est-ce que des joueurs ne voulaient pas tirer? Mais moi, quand je vois dans l'effectif des joueurs comme Donadoni, Albertini. Ouais. Martini qui a tiré, qui a marqué, bon. Mm. C'est pas un bon exemple, mais il y a Donadoni, il y a qui d'autre, il y avait peut-être sur le banc de touche, il y avait Berti aussi qui pouvait tirer. Ouais. Maldini, je l'ai jamais vu tirer un penalty. Lui. Non. Il y a plein de joueurs qui n'ont pas pris leurs responsabilités, je pense. Je pense que dans le vestiaire, ça n'a pas dû trop en vouloir à Roberto Baggio, parce que finalement, Baresi, voilà, le capitaine qui rate son tir au but alors qu'il ne devrait jamais le tirer. Et Massaro qui rate également avant Roberto Baggio. Voilà, à mon avis, il y a ce gros problème aussi, c'est que donc au moment des tirs au but, on va demander qui veut tirer. Et il doit pas y avoir énormément de gens qui veulent le tirer. Donc Baresi, il a dû se proposer, il a dit bon ben c'est bon, je pense être frais, je vais le tirer. Et puis bon bah ben, quand tu regardes la façon dont il tire, déjà tu t'es. Mm. Quand tu regardes le ralenti, c'est obligé qu'il passe au-dessus parce qu'il est tellement incliné sur l'arrière, ouais, que le ballon il part à 2 km au-dessus. Hein. Mais tout de même, au Milan AC, il tirait pas les tirs. Il tirait jamais les pénaltys. C'est un peu comme Lizarazu en 98 qui tire contre l'Italie. Ouais, ouais. Le mec il tirait rarement les pénaltys. Hein. Ouais, ouais. Non, c'est étonnant. Après, côté brésilien, il y a juste Marcio Santos. Ouais, ben, du coup, il tire bien son pénalty. C'est Pagliuca qui plonge du bon côté. Hein. Ouais. Et juste derrière, Romario, qui marque logiquement, et Branco. Ouais. Les Brésiliens n'ont même pas tiré leur tir au but vainqueur. Je veux dire, c'est Baggio qui... Ah, c'est Baggio qui va le louper, ouais. And Roberto Baggio. Yep. The pressure is on him. He has to make it. He has to make it. Voilà, qui leur donne le titre de champion du monde. C'est une des images marquantes de cette finale, parce que c'est lui qui est un peu la star de cette Coupe du Monde, finalement, après toutes les prestations qu'il a réalisées, en qualifiant à chaque fois son pays, parce que faut dire qu'il a porté à bout de bras son équipe à certains moments sur les phases offensives. Parce que moi, j'ai été très déçu de joueurs comme Donadoni, Zola, Massaro même. Ben, Zola, lui, il a fait quoi comme match? Il a joué 10 minutes. Ouais. Il a joué 10 minutes. Ben, c'est ça, il est rentré, je crois qu'il est rentré à la 65e minute de jeu et il a été expulsé à la 75e. Donc c'est tout ce qu'il a fait. Ouais, après c'est vrai qu'on va dire qu'Arrigo Sacchi, son football commençait à être vraiment dépassé. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Il a pas su se remettre en cause vu qu'il est arrivé en finale, il s'est dit il faut jouer comme ça. Mais je pense qu'à un moment donné, s'il avait peut-être joué plus offensif, il n'aurait peut-être pas fait un match aussi moyen au final. Mmh, c'est possible. Le Brésil. Pareil, hein, Carlos Parreira, c'est un entraîneur défensif. Hein, faut pas se cacher hein, sur ça. Hein. Quand il met combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, pratiquement 6 joueurs défensifs sur le terrain. Ouais. Il enlèvera. Je veux dire, c'est ça en dit long, hein, sur la façon de penser. Donc voilà quoi. Sinon. Bon... Mais tu vois, franchement, bon, j'aimais bien le Brésil à l'époque, voilà, parce que c'était toujours été une équipe qui a fait rêver, quoi. Il y avait quand même une bonne équipe. Mais quand j'ai vu, parce que ce match-là, je l'avais vu en entier. Je me souviens avoir été triste pour Baggio, ouais. Parce que pour moi, ça me paraissait cruel de terminer comme ça. Je me mettais à sa place en me disant voilà, t'es le dernier tireur, tu loupes ça. Voilà quoi, j'étais vraiment triste pour lui. Et puis bon, bah, comme on a, tu vois à la fin, il est presque en pleurs, il est réconforté par tout le monde. Mais c'est très triste comme fin quoi. Normalement, tu devrais te dire ouais, t'es content pour le Brésil, tant pis pour l'Italie. Non, mais moi j'étais vraiment triste pour Roberto Baggio parce que c'est un très bon joueur. C'est presque lui qui a, comme tu disais, qui a qualifié l'Italie à lui tout seul pour aller jusqu'en finale et terminer sur cette façon, c'est quand même c'est dommage quoi. Ouais, c'est certain. Moi je me souviens surtout de son image tout seul en fait dans les 16 mètres et je me souviens pas avoir vu les Italiens venir le réconforter. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai, ouais. Il y a qu'à la fin que quand il revient vers ses joueurs, il y en a que quelques-uns qui viennent le réconforter, pas tous. Hein. Ouais. Mais bon, après, pour revenir à la belle image de cette finale de Coupe du Monde avec les Brésiliens qui gagnent leur titre à la fin d'une belle Coupe du Monde avec des beaux buts. Ouais. L'hommage à Ayrton Senna également. Ah oui, bah, qui était mort un mois, enfin là, 17 juillet, deux mois avant. C'est vrai que voilà quoi. Et puis Pelé aussi qui est dans le. T'as Pelé qui est dans les tribunes et qui est heureux quoi, comme tout. Donc ça fait ben voilà, une nouvelle fois le Brésil plus fort que tout le monde. Ouais, et puis t'as comment à Blanche qui est content de voir son équipe nationale gagner. Et je pense que s'il avait vu un Argentine-Italie en finale, il l'aurait pas trop apprécié. Ouais, c'est possible. Hein. Il a réussi son coup. Donc si on peut faire le bilan de cette Coupe du Monde, bah, c'est énormément de buts, du spectacle, très peu de mauvais gestes comparé à. Ouais, c'est vrai. À part Leonardo, son coup de coude, après, il n'y a pas eu de. Non, il n'y a pas eu de gros. De tac par derrière, il n'y a pas eu de gestes. De gros bouchers sur le terrain qui allaient défoncer un joueur. Non, non, c'était correct. Bon, mis à part. Pour moi, le seul hic, c'est cette histoire avec Maradona. Voilà. Bon, il y aura plus tard l'histoire avec Andrés Escobar. Mais pour le moment, ça, on ne le savait pas, mais c'est. Cette histoire avec Maradona, pour moi, c'est un petit peu gâché la fête parce que je pense que si il l'avait suspendu après, s'il l'avait pas exclu, je pense que l'Argentine serait allée beaucoup plus loin, quoi. Ah, certainement, ouais. On aurait eu peut-être une finale différente, je pense. Ouais, certainement. Ouais, c'est pratiquement sûr et certain. Hein. On voit que tout le moral de l'équipe d'Argentine a chuté une fois que Maradona a été expulsé, ouais. Mais sinon, pour rappeler, c'était une Coupe du Monde, mais il y a eu quand même 141 buts. Ouais, c'est pas rien. Hein. 90 pour voir un but dans un match, on était content, je veux dire. Hein, c'est vrai que tu passes de tout à rien, quoi. Hein. C'est vrai que là, tu passes d'un spectacle pauvre à un spectacle riche en buts. Mais je te dis, moi, pour moi, cette Coupe du Monde, ça reste ma favorite, quoi. Ouais. Avec des stades remplis, pour tout ça, quoi, de voir un match avec quand même des spectateurs, des gens qui s'amusent dans les tribunes, quoi. On n'aura pas revu ça, hein, depuis, hein, de toute façon. Bah, autant de spectateurs. Ouais. Surtout 96, hein, parce que 96, malheureusement, l'Euro, il y a eu des gros problèmes de billetterie, et puis les. Ouais, voilà, hein. Voilà. Bah 98 c'était plein mais on n'avait pas des stades aussi gros de toute façon. Ouais voilà. C'est l'envergure de cette Coupe du Monde a été décuplée et monumentale. Et tout ce qui était autour des matchs aussi c'était vraiment mémorable. Hein. Il y avait à chaque fois des fan zones. Je crois que c'est l'une des premières fois qu'il y avait des fan zones peut-être aussi. Je pense aussi, ouais. Mais voilà, ça c'était une Coupe du Monde réussie parce que voilà, les Américains savent faire la fête, savent organiser quelque chose. Hein, de toute façon, on sait à chaque fois, on se dit bah tiens, c'est un show à l'américaine. Mais voilà, ça c'est exactement reproduit en 94. Ils ont fait à l'américaine et ça s'est super bien passé. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de problème de d'hooliganisme, il n'y a pas eu d'insécurité. Voilà, donc ça pouvait que bien se passer, quoi. Meilleur buteur Romario, meilleur joueur pardon Romario de la compétition élu par la FIFA, et meilleur buteur Oleg Solenko et Risto Stoïkov avec 6 buts. Ouais, bon, Solenko, lui, c'est juste en un match, quoi, qui s'est fait connaître. Ouais. Bah, d'un côté, il est. Il rentre dans l'histoire quand il rentre dans l'histoire quand même avec 5 buts en un match. Ouais, ouais, en plus. Ouais. Voilà. Et ouais, on peut parler aussi de l'équipe type de cette Coupe du Monde. Bah vas-y, ouais. Avec donc au but Michel Prodhomme, en défense Jorginho, Marcio Santos, Paolo Maldini, en milieu de terrain Dunga, Balakov, Hadji et Brolin, et en attaque Romario, Stoïkov, Baggio. Ça fait quand même une sacrée belle équipe. Et équilibré en plus, hein, je trouve. Ouais, c'est équilibré, ouais. Comparé à ce qu'ils font aujourd'hui, là, en mettant 8 attaquants et... Ouais, voilà. C'est inintéressant, ça. Ça m'a toujours fait rire, ça. C'est ça que j'apprécie aussi chez certains commentateurs qui disent « Mais la FIFA, maintenant, ils font des équipes par rapport au contrat publicitaire des joueurs. Il n'y a plus d'équilibre dans une équipe type. » Non, mais c'est ça le problème. Et voilà, ils vont te mettre Cristiano Ronaldo en attaque n'importe où, même s'il n'a pas été bon. Comme Messi en 2014, qui a été mauvais. Et ils te mettent dans l'équipe type, quoi. Meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'était incompréhensible. Enfin, ouais. Plein de choses comme ça. Là, c'était, on va dire, l'esprit du sport était encore respecté. C'est sûr. Enfin, voilà, on vous remercie d'avoir écouté cette émission spéciale sur la Coupe du Monde 94 avec Nico et moi-même. Et donc, on vous donne rendez-vous bientôt, sûrement pour un podcast sur la Coupe du Monde 82, Nico, c'est ça? Ouais, voilà, avec Retro, on va se remémorer un petit peu de cette épopée de l'équipe de France en 82, de cette Coupe du Monde 82. Il y a beaucoup de choses à dire aussi à l'époque, hein. C'était une très très belle Coupe du Monde aussi, hein, celle-là. Et voilà, donc avec Retro, on va essayer de faire aussi bien que pour 78. Et puis on fera aussi la Coupe du Monde 86 beaucoup plus tard. Et puis bah merci à tous, voilà, d'avoir écouté ce podcast, et à très bientôt. Voilà, merci. Ciao. Salut.